Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le programme présenté est réservé à un public averti. En effet, dans les deux heures qui vont suivre, vous ne serez pas à l'abri d'être transporté dans l'univers fantastique de Cthulhu, une monstrueuse entité cosmique, une gigantesque créature extraterrestre endormie depuis des millénaires qui réveille ses tentacules pour agiter votre samedi soir. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Et oui, tout à fait. On est tous ensemble dans Enrôlé dans la folie. Ça fait plaisir de vous retrouver tous, les copains. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais, moyen chaud. Moyen chaud toujours. Michael ? C'est parti. Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, MJ. Bonsoir. Comment vas-tu ? On peut t'appeler Batman ? Oui, Batman, gardien des arcanes ou Harl, tout simplement. Batman. Tu es bien beau, MJ, ce soir. Eh oui. Je suis pas d'accord. Sa capuche, il a mis n'importe quoi. On va commencer par quoi alors, MJ ? Alors, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui sont là présentes à nous écouter. Oula, ça nous cache les choses, cette gentillesse. Et oui, ça sera la seule gentillesse de toute la soirée. Ah. Je peux avoir 5 points en plus en force ? Non. Gare à mon courroux. Donc on va commencer par une présentation rapide des joueurs. Non. Ok. Alors petite présentation rapide, donc à ma droite. C'est moi la droite. Ah oui, c'est moi la droite. Oh mince, droite. J'ai encore du mal avec la droite et la gauche. Alors moi je m'appelle Xiao Tong. Je suis chinois, comme vous l'avez deviné. Je suis né en Chine, voilà, et je suis parti en Amérique pour des compétitions sportives parce que je suis un maître kung-fu, un maître dans pas mal de sports de combat. Je perce un petit peu en Amérique, hein, je suis plutôt bon, j'ai des belles stats de force, voilà. Et mon entraîneur de sport est mort en Amérique et je recherche plus ou moins qui l'a tué, voilà, et pourquoi. Très bien, bon, on va passer au suivant. Bonjour, moi je m'appelle Jacob Moons. Je suis né dans un petit village en Amazonie. Mes parents m'ont abandonné à la naissance. C'est dur. C'est triste, assez triste. Pleurer. J'ai été recueilli par un vieil ermite qui traînait dans la forêt. Et donc il m'a éduqué, il m'a élevé. Et puis à sa mort, avant de mourir, il m'a parlé d'une certaine organisation qui lui tenait vraiment à cœur, et du coup je me suis mis en tête de la rechercher. Il s'appelait pas Jiraya ? Non, pas du tout. Non. On va passer donc au suivant. Alors moi c'est James Cooper, je suis né en Irlande, à Galway plus précisément. J'ai fait la Première Guerre mondiale en tant que médecin de guerre. Je suis pas mal renommé au niveau international puisque je suis principalement criminologue, médecin légiste. Durant la Première Guerre, j'ai perdu ma femme et ça m'a traumatisé à vie, ce qui fait que je peux plus être chirurgien. Récemment, des crimes assez bizarres parlant de résurrection font rage dans le pays en Amérique, là où je suis situé maintenant, et j'enquête sur ces crimes-là justement. Donc je suis Naomi Buckpan, donc bibliothécaire. Je suis issue d'un milieu modeste et donc mes parents sont morts dans un incendie donc criminel. Donc je m'occupe de mon frère et ma sœur. Et donc là j'ai rejoint Clifford, mon cher et tendre, pour vivre ces aventures passionnantes. Voilà, ouais. Bonjour, je m'appelle Clifford Greenwald. Fameux. Je suis né dans un milieu modeste, élevé par ma mère car mon père était parti. Pendant toute ma jeunesse, j'ai dévoré les ouvrages de mon père, des ouvrages qui parlaient de thèmes religieux, mystiques. J'étais à l'université et c'est là que j'ai rencontré Naomi. Plus tard, je me suis détourné de l'université parce que j'étais devenu plus pointu que les professeurs sur certains domaines concernant les objets occultes. Et j'ai monté ma boutique d'antiquaires. Voilà. Très bien, alors la dernière fois... les investigateurs s'étaient déjà rencontrés lors d'une soirée afin de promouvoir un peintre. Et elle avait un peu viré au cauchemar. Trop d'alcool. C'est ça. De drogue. Et il y avait de la drogue, une drogue hallucinogène. C'est macabre, ça. Dans vos boissons qui vous a fait voir des choses bien étranges. Des licornes volantes. Des créatures. Et ça s'est un peu mal fini, le bâtiment a explosé. Ah. Et afin de chercher une réponse à ces questions sur ce que vous avez vu et qui étaient ces étranges créatures masquées. Cette secte qui nous a attaqué, ouais. Cette secte. Ouais, sans aucune raison, t'es là, tranquille. Oui. Clifford a cherché à contacter un de ses amis. Tout à fait, oui. Elias Jackson. Exact. Elias Jackson, qui lui a envoyé un télégramme. Oui, vous voulez que je vous le lise ? Non. Si, vas-y, tu peux le lire. Retour d'un sacré voyage, stop. Et beaucoup à raconter, stop. Sur les traces, expédition Carlisle, stop. Arrivé New York, 15 janvier, stop. Signé Jackson Elias. C'est ça. Stop. Nous sommes le 15 janvier 1925. Et... Ah oui, c'est très important aussi. Prenez beaucoup de notes. Ah mais moi je suis dans la, je suis chinois donc je suis dans le calendrier chinois. D'accord. Et Clifford a donc envoyé un message à tous les autres investigateurs afin de se réunir dans un hôtel. Cet hôtel, l'hôtel Chelsea, pour avoir un peu plus d'informations avec ce certain Jackson Elias. Donc, nous sommes en hiver, en janvier. New York est actuellement enneigé. Il y a une fine neige qui tombe. L'ambiance est très... Oui, bah, très froide. Monsieur. Forcément. Oh, oh, oh, forcément, oh, oh. Forcément. Moi, j'ai jamais vu de neige, c'est beau. C'est blanc et gris. Vous avez... vous avez une fine odeur de hot dog. Des vendeurs ambulants. Oh, des chiens chauds, je vais pouvoir en manger. Des chiens. Alors, ça, je viens de penser à un détail. Je joue roleplay. J'ai un détail ultra important que je voulais dire, j'y pense. Très très important. Nous sommes en 1925, et à l'époque, avec le mot nègre, noir et négro, le mot nègre, c'était une forme de politesse. Le mot noir, c'était une insulte. Et le mot négro, ça, c'était utilisé entre les noirs, enfin oui, et c'était considéré aussi comme une insulte si c'était prononcé. D'accord. Donc ne vous étonnez pas si certains personnages emploient le mot nègre, c'est tout à fait normal. Bienvenue en 1920. C'est ça, bienvenue en 1900, dans les années 20. Il y a du racisme envers les Chinois ? Parce que je peux leur péter la gueule. À cette époque-là, envers tout le monde, je pense. Hein. Envers tout le monde. Dès que t'es pas blanc, personne s'aimait. C'est ça, c'est ça. Blanc, hétéro, pas homme aussi. Et c'est la prohibition aussi, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la période de la prohibition. Mais ne soyez pas surpris. Sorti de la Première Guerre mondiale. Pourtant, dans le manoir, on a bu de l'alcool. Ils sont forts en histoire. Oui, mais dans des lieux. Les lieux aussi riches, t'as le droit. L'alcool circule quand même. Des lieux riches ou discrets. Bien. Pour la suite. Donc vous êtes forcément dans un milieu avec des gens très très pressés, vous voyez les gens défiler très vite, ils se dépêchent de rentrer chez eux, chaudement vêtus avec leur chapeau. Et vous arrivez dans cet hôtel, un hôtel fait de briques rouges, l'hôtel Chelsea. Donc bien, mais on va commencer avec le système de jeu de dés. Donc vous allez tous me faire un lancer pour déterminer votre ponctualité. C'est bien ça. Et ouais, on comme ça, ça vraiment. Oui, c'est ça. J'ai une voiture avec chauffeur et j'arriverai en retard. Ah oui, hein. Comment tu sais quand si il y a les embouteillages qui arrivent le plus en retard en général. C'est ça. Donc, c'est vrai. Un dé combien? C'est un dé 100 et ça va être votre. On va mettre ça avec la dextérité peut-être. Ok. Un dé 100. 100 plus unité. C'est 100 ça. Plus un dé 10. Plus unité. Ouais. Alors, pour expliquer. On lance un dé qui fait les dizaines, un dé qui fait les unités, et ça permet d'avoir un résultat, et c'est lié à une statistique qui est déjà remplie par... D'ailleurs, en parlant des joueurs, avant c'est quelle statistique pour le retard? J'ai dit la dextérité, ouais. C'est pour okay. Simplifier. Bon, y a pas vraiment de stats dessus, mais... Ça passe. Et en fonction du résultat, on peut savoir si oui ou non les investigateurs sont vache. Et on a un G qui correspond à la vraie vie. Donc c'est... Attends, je veux savoir. Est-ce que c'est un échec... est-ce que c'est un échec quelqu'un ordinaire, fait un échec critique extrême, un échec critique. J'ai fait un échec critique, je crois, 94. Est-ce qu'on ferait pas un tour J'ai fait un gros échec critique, j'ai fait 97. On va faire un tour. Vas-y, commence par quelqu'un. Très bien, alors, qui a fait un échec, un gros échec? Les deux mêmes. Ça tombe bien, ils sont en couple, donc forcément. Bah oui, voilà, c'est notre couple préféré, encore une c'est fois. Surtout, hein. C'est surtout les responsables. Mais attends, oui, c'est... Vous avez fait un échec extrême ou un échec critique? Ils sont en retard à leur propre réunion. J'ai 35 en dextérité. Oh la vache. Attends, mais moi j'ai 55 en dextérité et j'ai fait 80. Ah, ils arrivent 2-3 bon, heures plus tard. Je vous propose de relancer, c'est ça? Enfin, d'avoir une deuxième chance. Et c'est moi qui relance. C'est moi qui relance. Ah, c'est toi qui relance? Ok, bah, de toute façon, je peux pas faire pire. On est arrivé. Est-ce qu'il y a des malus si on rate? Ça commence déjà à laisser le relancer. Donc, quelles sont vos statistiques? Naomi, elle a un micro qui bug. Ah ouais. Bon? Oui, regarde, il fait quick. Naomi, t'as combien en dextérité? J'ai 55. Et toi, Clifford? 35. C'est possible? Très bien. Ouais. Oh la vache. Oh la vache. On commence bien. Manuel, qui d'autre a eu un non, échec? Non, je crois qu'on a tous réussi. On a tous réussi. On va voir. Peut-être avancer. Ouais, d'accord, faut faire en dessous du chiffre qu'on a. Oui. Mais en même temps, tu triches, toi t'as des dés que Toulouse, déjà t'es avantagé. Et l'autre il a des dés en métal, tu vois, genre le truc badass quoi. Donc. T'as qu'à en prendre des mieux. Bon, on va avancer. Alors, oui. Un petit peu. Parce que bon. Bon, j'ai relancé les dés. Et je vous fais pas de. Enfin, je vous dévoile le score, donc réussite critique pour. Oh la vache. Pour Clément, enfin pour. Pardon, pour. Là, pour les deux. Et heureusement. Parce que c'est un peu lui qui a invité tout le monde. Donc il arrive de manière très ponctuelle dans cet hôtel. C'est pour moi, ça. Hein, d'accord. Ouais, mais il y aurait eu un enchaînement de critiques. Ça vous aurait foutu un peu plus dans la mise. D'accord. C'est pour ça que j'avais envie de... En fait, ça permet d'introduire un peu l'histoire. Donc vous avez déjà la notion de lancer de dés. Vous arrivez dans cet hôtel. Donc devant la devanture. Enfin, vous arrivez au niveau de la devanture. Et c'est un hôtel fait de briques rouges. Donc il y a un balcon de fer forgé à l'avant. D'ailleurs, le balcon a l'air un peu branlant quand même. Il est un peu rouillé. Tu veux que j'essaie de le casser? Non, c'est une très mauvaise idée. Et il y a affiché en gros Hôtel Chelsea. Clifford qui arrive en premier. Tu arrives et tu vois un homme. Au niveau de l'accueil. Que fais-tu? Je vais aller le voir, cet homme. Très bien. Je vais demander s'il y a une salle qu'on peut utiliser pour se réunir avec les amis. T'as pas réservé? Vous avez réservé ou... Oui, il me semble que j'avais réservé il y a 2 semaines. Regardez mon nom, Greenwald. Tu le vois en train de feuilleter ses papiers et faire... Ah, effectivement, oui. Très bien, j'ai une salle, effectivement, et... C'est la salle 201. Merci. Il te prend une clé qui est accrochée au mur et il te la donne. Merci. Bien, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vais rester sur le perron pour attendre les autres. Très bien. Tu restes à attendre et la deuxième personne à venir était... vous avez fait combien en jet de dés? 41 sur 85. 17. 43 sur 60. Donc c'est Naomi qui arrive en deuxième. Oh. Et oui. C'est marrant, ils sont pas arrivés ensemble. Très peu de temps. Non, ils sont pas arrivés ensemble, ils étaient tous les deux occupés à faire quelques affaires. Donc, excuse-nous. Oui, ils ont eu un petit temps. Je suis une femme indépendante, ok. Quoi? En 1920? Ouais. Ça existe pas, c'est pas vrai. Si, le mouvement des suffragettes, c'était. Donc, Naomi arrive et tu vois Clifford au fond. Tu le rejoins, je suppose? Bah oui, évidemment. Vous allez ensemble, vous voyez. Bonjour Clifford. Tout se passe bien. Et vient au tour de les trois autres investigateurs. C'est plus rapide. Voilà, oui. Vous arrivez tout ça pour arriver à l'hôtel. Vous arrivez tous les trois. Et on a un seul morceau. Devant l'hôtel et vous vous reconnaissez. Et vous voyez un peu plus au fond. Thomas. Oui. Faut que j'arrête. Clifford. D'accord. Clifford qui était en train de vous attendre. Ça fait un petit moment que t'attends tout de même, Clifford. Donc là, il est aux alentours de. Je dirais 19h45 à peu près. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous rejoignez tous. Apéro. Non, je déconne. Est-ce que je peux m'adresser aux gens qui viennent d'arriver du coup? Ouais, parce que nous on est un peu là en mode ok, qu'est-ce que on fait? Oui, là c'est ça. Je rappelle que tu as reçu un télégraphe de oui, Jackson tout à fait, oui. Bonjour mes amis. Déjà, je ne vous tiendrai pas rigueur du retard, même si à l'avenir essayez d'arriver à l'heure. On fait ce qu'on peut. Je vous ai fait venir parce que j'ai reçu un télégraphe d'un ami. Un ami qui s'appelle Elias Jackson et qui a beaucoup à raconter après un voyage passé. Où est-il ? Ah, justement, bah, va voir l'accueil. Enfin, À l'accueil ? C'est pas à moi de dire. Je ne sais pas, il m'a donné rendez-vous ici ou pas ? Il t'a dit de revenir à l'hôtel. Il t'a pas. Donc maintenant qu'on est tous là, je vais vous inviter à venir à la réception pour demander où il est. Il doit être dans les parages. Ok, très bien. D'accord. Tu arrives à la réception. On doit trouver du coup ce Jackson. Oui, c'est ça. C'est ça. Il pourrait nous en apprendre plus sur ce qu'on a vécu dans le musée l'autre fois. Très bien. Tu arrives à la réception, l'homme te regarde et tu lui dis quoi exactement ? Bonjour, est-ce qu'un certain Elias Jackson est venu se présenter à vous ces derniers temps ? Ah mais bien sûr, c'est le propriétaire de la chambre 401. 401, d'accord. Je crois qu'il est encore dedans si vous voulez le rejoindre. D'accord, allons-y okay. Messieurs. On y va ? On y va. Vas-y, c'est parti. Donc vous montez les escaliers sur le bord et vous arrivez devant cette fameuse chambre 401. L'ambiance est plutôt calme pour l'instant. L'hôtel est plutôt correct. L'ambiance est jolie, enfin le sol est joli, pardon. C'est une sorte de moquette rouge, plutôt agréable. Chez les riches. Ouais, un petit peu poussiéreuse, mais un peu luxueuse. Ça reste quand même un hôtel agréable. Ok. Vous arrivez devant la chambre 401 et lorsque vous essayez d'ouvrir la porte, elle est fermée. On va peut-être taper à la porte. Frapper à la porte, je pense, ouais. C'est un ami, moi je frappe à la porte de mes amis. Très bien. Tu frappes à la porte. J'aurais et pu la faire, celle-là. Tu entends de l'agitation. Et puis plus rien. On l'entend tous ? Jackson, t'es là ? Et là, vous entendez plus rien. Et est-ce que vous pouvez essayer d'ouvrir la porte ? Vous pouvez essayer d'ouvrir, soit d'ouvrir ou d'essayer d'écouter à la porte pour entendre un peu mieux. On peut défoncer la porte. On va peut-être essayer d'écouter avant de défoncer la porte. Ouais. S'il est tout nu chez lui. Essayer d'ouvrir la porte. Ouais, ok, bon. Juste pour voir. Il va pas nous en vouloir si on ouvre la porte. Non, là elle est fermée à clé donc. Elle est fermée à clé. On a déjà essayé de faire. On peut demander un pass au gars en bas ? Ouais, mais c'est loin. Je vais tendre l'oreille à la porte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y. Notre Cherokee. T'entends quelque chose d'intéressant sinon je la défonce. Donc qui écoute à la porte ? Moi. Jacob. Okay. Fais-moi un jet de perception. Oui. Il n'y a pas perception. Oui, perception. Dexté. Ah non, dextérité. Ouais, c'est. Non, trouver objet caché. Ah laisse tomber, j'ai fait 81. Ah je peux le faire, moi j'ai fait 100. Il a une compétence écoutée, hein. Oui, ah t'as une compétence, oui, faut me le dire, moi je. C'est vrai. Oui. Et je me rappelle pas de toutes les. Ah là là. Jacob, c'est ça ? T'as combien en écouter ? Je te fais juste savoir que ça me plaît pas trop qu'on écoute à l'oreille des portes. Ah d'accord. Ah ouais mais. C'est juste pour savoir s'il se passe quelque chose. Ouais. D'accord. Comme est-ce que t'as réussi ? Oui et puis rien. Alors non, j'ai pas réussi. Ça passera pour cette fois. Donc t'entends absolument rien du tout. Du coup j'ai une compétence, trouver objet caché, je peux regarder à travers de la serrure. Et à trouver un café. Tu peux écouter, mais pas regarder la serrure. C'est des serrures. Moi, je demande à Xiao, écoute, défonce la porte. Ok, pas de problème, écartez-vous. Est-ce qu'on essaierait pas de toquer avant ? Ouais, on retoque. Ouais, je vais toquer à ma manière, t'inquiète. Oh non, God, ça commence déjà. Ah, vraiment ? Mais tu vas pas défoncer la porte là ? Pas le choix. Attends, il y avait du bruit bizarre. Si ça se trouve, il est tombé dans les pommes. Si ça se trouve, il est en danger, ton copain. Attends, d'accord, vas-y. C'est jamais. 007. Oh, bon chiffre ça. J'aime ça. Voilà. Réussite quand même. Ouais, voilà. T'as combien en force ? D'accord. J'ai 85. Ah oui, réussite. Oui, classique. C'est quand même une réussite extrême. Voilà. Très bien. Tu donnes des gros coups de pied, donc t'as une carrure, ouais. vraiment, mais mastoc impressionnante. Il arrive devant et fait bougez pas. Il donne un énorme coup de latte dans la porte. Et là, quand vous rentrez, vous voyez plusieurs personnes, mais au fond de la pièce, en train de bouger un peu dans tous les sens. Et vous ne voyez pas vraiment, et ils partent, et ils se mettent hors de votre vue. Ouais, mais ils sont dans l'appart de toute façon. Oui, ils sont dans l'appart. Ah, d'accord. C'est qui ces gens que tu connais ? Attendez, il y a. C'est quoi leur description attends, physique ? Laisse-moi finir. Il y a un grand, grand bazar. Il y a des feuilles partout. C'est vraiment un carnage. Il y a des vêtements. Enfin, tout est retourné en fait. Il est un peu bordélique ton copain, non ? Non, écoute, laisse-le en dehors de tout ça. D'accord. Et les personnes que vous avez vues sont dans des tenues assez étranges. En cap ? Elles portaient des tuniques et vous n'avez pas pu vraiment voir. Elles sont violettes, j'imagine ? Oui. Oh bordel. Je crois que j'ai reconnu les caps, les gars. Ah putain, c'est encore eux de l'autre fois. Je crois, ouais. Je suis pas sûr. Faudrait peut-être les. On se disperse, on essaie de les trouver, on fait quoi ? Moi j'ai pas de force, alors j'aimerais bien ramasser les papiers par terre et chercher des trucs. Est-ce que Clifford a reconnu quelqu'un dans le groupe ? Ils étaient combien ? Pas du tout, j'ai reconnu. Vous avez vu 2-3 personnes à peu près. 2-3 personnes. Ils étaient au fond et dès qu'ils ont vu. Se sont dispersés direct. Dès qu'ils ont entendu le bruit de la porte s'ouvrir en un seul coup, c'était vraiment très très violent. Ils ont disparu. Je pense qu'on devrait se disperser et essayer de les trouver. Ils doivent pas être loin, ils sont dans l'appart. De toute façon, je pense pas qu'il y ait trop de possibilité de sortir. Grand les gars, comment j'ai l'appart un truc à vous dire. Il est pas très très pas très très grand. Hein. C'est un petit appart. Mais là, en fait, vous voyez uniquement l'entrée. D'accord. Vous voyez le vestibule. Donc, vous ne voyez pas spécialement grand chose. Ok. Bon. Donc je pense que s'il y a autant de bordel, c'est qu'ils recherchaient un objet en particulier. Donc j'ai pas mal de compétences en trouver des objets, je veux bien essayer de chercher. D'accord. Bah moi je vais aller vers la gauche, je vais aller vers la salle de bain, le salon, tout ça. Ok, donc tu pars en avant, je vais aller voir par là. Je vais te suivre moi. Est-ce qu'on ferait pas de groupe de deux ? Ouais, voilà. On va vers la gauche. Moi, je vais partir avec Jacob. Ouais, voilà. C'est parti. On ça marche pas. Tu pars avec qui ? On n'ira pas dans la cuisine. On est copains de personne reste je avec moi. C'est vrai. Ah oui, si, viens avec nous. Oui, voilà. Ah d'accord. Bon, je vous suis. Je cherche avec vous. Voilà. Ok. Mais bon, est-ce qu'on n'irait pas dans la cuisine, James ? Ouais, on sait jamais. Des fois, qu'il y aurait de l'alcool. Tu pars en premier là. Moi. Ok. Tu pars. Oui, vers le salon. Vers le salon. Tu te rapproches. T'arrives vers le salon et là, tu vois à travers la chambre. Ouais. Enfin, tu vois à travers une porte la chambre avec le lit et tu vois une masse sur le lit recroquevillée, informe et sac à cachette. D'accord. Ne bouge plus. Je sors mes aiguilles. Venez, approchez. On vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. Tout à fait. On est de retour dans l'antre de Cthulhu. L'émission enrôlée dans la folie. Michael, Monsieur le MJ, je te laisse reprendre le micro. Et c'est reparti. J'étais sur le point de rentrer dans la chambre, tu m'as dit qu'il y avait une masse difforme sur le lit. Xiao est actuellement. Oui. On te suit avec. Ouais, c'est ça. J'étais avec Clifford et Naomi. Xiao en avant. Ouais, toujours. En train de. Venez tout juste de rentrer dans le salon. Il n'y a rien dans le salon, on est d'accord. Une musique un peu plus. Ah, pardon. Un peu moins forte aussi, peut-être. Un peu plus péchu. Ou soit péchu, soit. Petit tambour. Ouais, c'est ça. Plutôt action. Ok, ça va. Oh, ça va saigner. Oui, ça va saigner. J'ai sorti mes aiguilles, je te précise. Tu sors tes aiguilles. J'ai sorti mes aiguilles, je rentre dans la chambre et je regarde s'il y a des gens. Alors là, tu es arrivé au salon. Ouais. Et tu aperçois la fameuse masse difforme sur le lit, mais tu n'arrives pas à voir grand chose. C'est assez sombre. Il n'y a personne d'autre dans le salon, on est d'accord. Et tu n'as pas le temps encore de te concentrer sur la chambre, car tout de suite, il y a un homme qui se jette sur toi. Tu vois un homme habillé avec une grande tenue pourpre. Tunique, okay. Qu'est-ce que je raconte ? Tenue. Une grande tunique pourpre. Oui. Et il a une sorte de faux et il t'attaque directement. Ok. Enfin, déjà, tu esquives ou tu essayes de. Je prends mes mains, tu sais, pour choper la faux en même temps. Il donne un. D'accord, coup, t'essayes de. D'accord. Ouais. Fais-moi un jet de. Un lancer de 110. Ouais, 31. Réussite, j'ai 42 en divisé par 2 là. Réussite, je sais plus le. Majeur. Extrême ouais, ouais, voilà. Majeur. Alors pour rappeler juste. En gros, quand on réussit, suivant la caractéristique qu'on a, on divise par 2 et par 3. Et suivant, ouais. Du coup. Alors j'ai 85. Par 3, voilà. Je fais 84, c'est une réussite. Je fais en dessous de 42, c'est une réussite majeure. Je suis en dessous de 17, c'est une réussite critique. Non, une réussite extrême. Réussite extrême et La réussite critique, c'est faire 1. D'accord. Okay. Et vice versa pour les échecs. Effectivement. Très bien. Donc, réussite majeure pour moi. Réussite majeure. Tu arrives à saisir la faux de l'homme qui est devant toi. Et il te donne un coup d'épaule. Ouais. En même temps. On peut essayer. Bonne chance. Ce qui te fait... Si, si. Il est... Ah ouais ah, ça... Ce qui te fait perdre... Des points de vie. Deux points de vie. Sans déconner. Ouais, il te donne un énorme coup d'épaule. Et ça te fait perdre deux points de vie. Je peux le projeter. Tu as encore le pranga dans... le... Oh putain. Tu as encore... La faux dans les mains. La faux dans les mains, bon ouais. C'est un pranga du coup. Bah la faux vu que je l'ai dans les mains et qu'il l'a aussi, je le lance, mais je garde la faux. Tu essayes de lui arracher la faux. Bah de le faire valser en fait, enfin de le projeter dans les airs. Refais-moi un jet de force. 47, réussite normale. Très bien. À ce moment-là, tu... attends, où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi, je cherchais. À ce moment-là, tu réussis à lui arracher le pranga des mains. Ok. Et tu vois un deuxième homme arriver avec la même arme et qui la dirige sur toi pour t'attaquer. Que fais-tu? Ok. Bah, j'essaie de lui couper la tête avec ma faux. Ah ouais? Ouais, on va faire ça radical. Très bien. Pendant ce temps-là, je vais demander aux autres ce qu'ils font. J'aurais dû faire un. Vous demander votre position avant. Il y a Clifford et Naomi qui sont derrière moi ou ils sont. Ah, moi je suis vraiment derrière. Vous deux ouais, qui êtes directement derrière. Ils doivent me voir en théorie. Oui. Naomi avait dit qu'elle était derrière tout le monde avant la présentation. Bah, moi je m'intéresse au papier qu'il y a par terre parce que c'est ma seule compétence. C'est peut-être pas le moment. T'entends du grabuge devant toi, tu vois des hommes en tenue. Un papier. Bah, je cherche s'il n'y a pas un truc pour me défendre alors. Ouais, ça c'est le bon truc par terre pour me d'accord, défendre. Donc tu vois, tu fais moi un jet de trouver objet caché. Donc c'est des 10 plutôt, et des non, plutôt perception du. C'est plutôt perception. Ah, mais il n'y a non, pas non, perception. Il si, y a perception. Objet parfait. Normalement, non. Non, il y a force, dextérité, pouvoir, constitution, apparence, éducation, taille, intelligence et mouvement. Donc ça va dans la dextérité, perception. Il me semblait, bah, c'est me trouver objet caché. Alors, j'ai confondu ouais. Avec un autre jeu. Donc des 10 et des 100. C'est ça Oui, bah c'est un des 100. Donc c'est un 2D. Oui, c'est ça. Un des 100, c'est. Un des 10 et les 10. Ça, un des 100, c'est l'équivalent de 2D. Ah oui, pardon. On prend vite, mais il faut expliquer longtemps. Oh là là. Oh, j'ai fait 97. C'est un échec. 97. Ouais, oh là là. Okay. Tu n'arrives pas à trouver, tu deviens aveugle. Est-ce tu as la possibilité de relancer si tu t'occupes si tu expliques pourquoi. Si tu expliques pourquoi en fait. Si tu arrives à me convaincre. Par contre, si tu échoues. Mais faut aller assez vite parce que pour l'instant c'est un peu le carnage. Je suis un peu peureuse. Alors du coup, bah dans la panique, je me suis cassé la gueule. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, vous entendez une vitre qui se brise. Oh putain. Ting derrière, exactement, j'ai pas le bruitage, mais c'est pas grave. Vous avez un bruit, c'est ça. Tu fais quoi? Moi? C'est ça. Clifford, que fais-tu? La vitre, elle se brise devant moi là? Non, vous entendez juste le bruit parce que vous n'avez pas de. Vous ne voyez pas la. Ok. Et à ce moment-là, Xiao est juste devant. Je suis aux prises avec un autre gars. Ça, il est en train de se battre là. L'autre s'est cassé la gueule. Du coup, je relance pas on accélère parce que sinon ils vont pouvoir attaquer en fait. Je vais essayer d'aller aider Xiao en. Fais gaffe, il a une faux. Il a une faux? Il a une faux, j'ai une faux. Il a une faux, mais enfin, je suis un bon copain moi. Ouais, même ça prend de la place, c'est pour ça. Ok, tu rejoins le combat. J'ai essayé d'aller donner une patate au mec encapuchonné. T'as le mec que j'ai projeté aussi. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Jet de force. Vas-y. Force, j'ai 40. Bon, chez. 22. Putain. C'est un. C'est une réussite normale. C'est une ordinaire, c'est ça. Ouais. Très bien. Tu arrives vers l'homme encapuchonné. Et en t'approchant, tu lui donnes une grosse patate dans la tronche. Tu le vois reculer, tituber légèrement. Il est sans défense? Là il est sans défense ouais. Bah je tente de lui trancher la tête du coup. T'en as un deuxième qui était en train de t'attaquer. Non, il y en a un qui était projeté par terre. Donc il était... Enfin je l'avais envoyé valser. Et puis il y a l'autre avec la faux là qui était en train de m'attaquer. C'est lui qui l'a attaqué non? Ah c'est lui qui... Ah, non, je c'est crois pas lui. Je sais pas. Mais non, Clifford il... T'as attaqué lequel des deux? Celui qui était déjà par terre ou non, celui l'autre qui était en train de t'attaquer toi? Ah celui qui t'attaquait. Ah bah oui. D'accord ok, j'avais pas compris ça. Bah effectivement. Je peux peut-être lui ôter un truc qu'il a en trop. C'est plus compliqué. Sa tête. D'accord, donc tu lui mets une patate ouais, en fait. C'est ça. Ça le déstabilise et ça. C'est pas cool ça. Il va y arriver, ne s'inquiète pas, ouais, c'est un professionnel, tout c'est est ça. Sous contrôle. Je suis un diesel, j'ai un peu de temps à démarrer là, à l'image de ma voiture. Allez. On enchaîne. Ça le déstabilise, mais il réussit tout de même à attaquer. Ah, il attaque quand même. On va faire un. Je peux me défendre. Ouais. Et toi, fais-moi un G par rapport à ce que tu veux faire. T'essayes d'esquiver ou t'essayes de contrer. Alors, s'il m'attaque, je vais contrer avec ma faux, je pense. Du coup, vu que j'ai une faux, on peut faire un faux contre un faux. D'accord, très bien. Essaye de. Fais-moi un G de force, s'il te plaît. Alors, c'est 0. Non, c'est 60. C'est 60 ou 80 c'est, ouais, je sais pas, il a marqué quoi. C'est 60 ou 90. Ah, ça c'est problématique. Ça c'est tout le temps le problème. Hein, ah, bah c'est 64. 60, il sait pas lire un lettre dans le bon sens. Très bien. C'est pas de sa faute, c'est un chinois, on n'oublie pas. Et je donnerai ton résultat un peu plus tard. Je vais me faire couper la qui tête. Qui était juste après. Ah, nous on était parti à la cuisine. Oui, c'est ça. Dans la cuisine de. De l'appart. Oui, ou. De la chambre. Elle est plus loin, faudrait passer derrière les cultistes. Ah bah je sais pas, nous tout à l'heure on partait à la chambre. Ils sont partis vers la droite, nous on est partis vers la gauche grosso modo. Mais après vous, d'accord. Vous avez entendu les bruits de bagarre, vous avez. D'accord, donc vous passez sur la droite. Il y a peut-être la salle de bain du coup par chez eux. Oui, il y a la salle de bain qui est juste à côté, il y a la porte que vous voyez, la salle de bain que vous voyez à gauche. Et au fond vous avez la fameuse cuisine. Et il y a une vitre qui est cassée au fond de la cuisine. Et vous voyez un homme qui est en train de passer par la fenêtre et qui est en train de s'échapper. Il porte également une tenue pourpre. D'accord, bah moi je me mets à courir en direction de la cuisine. Tu cours vers. Je cours vers le bonhomme pour le rattraper et puis le tirer vers moi pour le rentrer à l'intérieur. D'accord. C'est ce qu'on veut faire. Oui, je sais pas, tu me dis je cours vers la cuisine. Bah... Ok, tu cours vers la cuisine. Il y a un couloir donc faut bien. Enfin, je cours. Oui, bah tu dis plutôt je cours vers le. Bref. Il court. Fais-moi un jet de dextérité. Ok. Et hop là. J'ai pas marché. 47 sur 60. C'est bon. C'est bon. C'est une réussite ordinaire. Ouais. Et toi, Jacob, tu as fait un. Alors. Tu fais la même chose ? Oui, je vais. Tu le suis. Je fais 22. Pour dextérité, bah, je suis en majeur. C'est beau. On va lui choper le cul. Ouf. Alors. Réussite critique de sa part. Il y a la. Vous arrivez vers l'homme, vous le chopez par la tenue, vous le tirez en arrière, il s'explose la tête contre le carrelage de la traumatisme de la crânien, cuisine. Vous entendez un gros boom contre le sol. Alors vivant on le voulait, bon bah écoute c'est ça a été amusant et. Et après. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-il survécu ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que quoi ? Il reste au sol et il est un peu sonné en fait, exactement. D'accord. Et je voulais passer. À l'autre ? Au fameux mouvement de Xiao. D'accord, je me suis défendu normalement. J'ai fait une réussite. C'est ça. Tu as fait une réussite, mais ce n'était pas suffisant. Oh le bâtard, il a fait une réussite critique, alors forêt. J'ai perdu combien ? Tu verras. D'accord. L'homme. Une tête. Juste une. L'homme encapuchonné arrive vers toi, toujours avec sa faux. Ouais. T'attaque. Tu essayes de parer. Vos lames s'entrechoquent. Et il fait un mouvement, il avait l'air de quand même bien manier son arme. Il fait un ninja. Mouvement, c'est ça, un mouvement de ninja. Ça passe juste à côté de ta lame et ça vient se planter dans ton épaule et tu perds 6 points de vie. Chut. Il va mourir dans l'hôtel ce con. Combien de points de vie toi ? T'as combien de points de vie d'ailleurs ? J'ai commencé dans l'hôtel, j'en ai 15. Ah oui. D'accord, j'en ai perdu 6. Meurs pas dès la première émission. J'en ai perdu 8. Les premières 10 minutes, ouais. C'est dommage. Voilà. Bah, du coup, je peux essayer de lui couper la tête. Il insiste. Ah bah, fais-moi un jet de force et pendant ce temps-là, on va passer à Clifford. Que fais-tu ? Moi, donc, je viens de donner la patate, du coup, il y a le combat qui se passe. À ce moment-là, Xiao, il est comment là ? Il se fait attaquer encore ou... Là, il vient de se prendre un. Mais t'as l'autre par contre. Une lame dans l'épaule. Ouais, d'accord. Il a légèrement serré des dents, mais on voit quand même que le bonhomme. C'est ça, le bonhomme il résiste à la douleur. Ok, bah, j'ai bien envie de le prendre et de le ramener dans la cuisine pour. T'as le deuxième. Ouais, bah j'ai le deuxième, je suis pas un combattant, moi je suis un mortifère, je te rappelle. Ouais. Deuxième est désarmé. Ouais. Et moi je viens de faire une réussite majeure. Voilà pour. Je vais essayer de. Fonce lui dessus, bordel. Faut se décider. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Il va se relever. Laisse-moi parler. J'ai essayé d'attaquer le deuxième qui est désarmé. Très bien. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Oui, force. Force, j'ai toujours 45. Hein. Et 71. Ah, ça marche toujours bien. Toujours une bonne team. Hein. J'ai réussi tout à l'heure, ta gueule. T'as fait quoi, toi ? Hein ? Rien du tout. Et on vient d'attraper un mec, nous. J'ai pas vu. J'ai suivi dans la pièce. T'as failli le tuer. T'as voulu l'attraper, t'as failli le tuer. Au moment où tu arrives vers... Donc c'est le désarmé, c'est ça ? Efficace, d'accord. Moi, j'ai essayé. Il t'est déjà désarmé, celui-là. Oui, c'est le. C'est celui qui était parti. Oui, c'est celui qui est désarmé. Au moment où tu arrives vers lui, tu as essayé de lui mettre une patate. Ouais. Sauf que tu n'es pas spécialement... Combattant. Combattant. Et lui avait l'air d'être assez, assez fort au combat. il a une carrure assez imposante. Et en te donnant un gros coup de poing dans le visage, tu perds 4 points de vie. Oh, Sandy Cord versus Hulk Hogan. Ah, déjà 6, moi. On va passer à Naomi. Que fais-tu ? Bah, je cherche une arme pour le taper dessus parce qu'il a tapé sur mon Clifford. Oh, tu veux essayer de chercher. Voilà. D'accord. Bah, refais-moi un lancer de trouver objet caché. Non, on préfère attaquer le joueur à coup de poing. 61. 67. 7, c'est bon. 7. Elle a 70. Ah, elle a 70, donc ça passe. Bah, dites-moi plutôt, au lieu de dire c'est bon ou c'est pas bon, dites plutôt réussite majeure ou échec. Réussite normale. Voilà. Très bien. Donc, tu fouilles un peu la pièce, tu tires un petit tiroir et tu trouves une dague. Oh. Une petite dague importée d'Afrique. Dagounette. D'accord, et je peux lui foncer dessus pour lui planter. Oui, tu peux. Mais au prochain tour. Ah. On va passer à. Okay. Non, rien. Ah, d'accord. On va passer à James. Oh yeah. Et Jacob à l'occasion, si jamais vous faites une action ensemble. Oh yeah. Bah, moi je regarde James et puis je lui dis bah tiens, il y a du bruit par là-bas, va donc les voir. Moi je vais l'attacher pendant qu'il est sonné. Ok, moi sur ces mots. D'accord, bah, continue. Ouais, sur ces mots, tu vois, genre c'est mon copain de boiverie, je lui fais confiance à tout prix. Alors je fonce comme un dératé vers le bruit. Très bien. Tu pars vers le bruit, donc tu arrives à nouveau dans le salon. Et tu vois l'homme avec la grande masse musculaire qui est Xiao, avec une lame dans l'épaule, en train de serrer les dents. Et derrière, tu vois Clifford qui est dans une mauvaise posture et qui s'est pris un gros poing dans la tronche. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, moi, mon premier réflexe, du coup, ça va être d'aller vers. D'aider Guizéo parce que c'est lui qui est en vraiment le plus mauvais. Non, posture. T'inquiète, va voir l'autre, il galère. Il est en train de saigner et tout. Là. Ouais, mais moi, je vais lui porter un coup. Moi, mon expérience de combat, elle me dit tout de suite d'aller vers. T'es médecin, toi. Bah oui, ton expérience de combat. Oui, mais j'ai fait la première guerre mondiale. Oui. Ah, bah vas-y, mais bon. Donc, j'ai fait une réussite majeure. Là. Mais ça, nous, on le sait pas. Mais nous, on le sait pas, nous. Ah, bah d'accord, bah vas-y. Donc, moi, mon premier instinct, c'est d'aller vers Xiao pour l'aider contre le petit bâtard. Vas-y, t'occupe pas de moi. Très bien. Le mec, il s'est pris une patate, ça va. Bah, t'essayes d'attaquer t'avais combien, toi, l'un des deux. Ouais, le mec qui est au. Très bien, bah, fais-moi un jet de force alors. Fais-moi un jet de force. J'ai fait. Avec un. Bonus, tu peux lancer 2 dés et retenir le meilleur score. Ok, parce que je viens de faire 97. Ça vaut le coup. Il va m'aider, lui, je le sens. T'as de la chance. C'est l'attaque par surprise. 56, j'ai 70, donc réussite normale. Très bien. Tu arrives derrière et tu y mets une vieille patate. Au niveau du Milan de souffrance ancestral des Milan de souffrance. Au niveau de, enfin, tu visais un peu la tête et ça s'est légèrement décalé et tu touches au niveau de la nuque. Ça l'a fait mal, mais voilà, t'as légèrement, ça, il a bougé, mais t'as légèrement. Oh le mec, quoi, c'est une statue de pierre, le machin. C'est Attends, ça. Tu vas avoir une tête volée. T'as légèrement sûr. Glissé. Ok, bah voilà. Très bien. On va passer à Jacob. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attache le l'homme, enfin l'homme ou la femme, on sait pas trop qu'on vient de rentrer à l'intérieur. Il était tout juste sonné, il reprend ses esprits et il est en train de se relever. Donc, bah, t'as pas le temps de trouver de la ficelle. Achève-le. Ah, et ben, je l'assomme. J'essaie d'assommer. RKO. Ok, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ouh, bah, réussite, mais tout juste. Tout juste réussite. 43 pour 45. Ok. Au moment où tu essayes de l'assommer, ton poing est freiné par son bras. What? Il te prend le. Il va te prend le poing. Bah, et il te met un coup de tête. What? Bah j'ai réussi. C'est oui, réussi, mais lui il a fait mieux. Mais lui il a fait mieux. Ah merde. D'accord. Chef. Et tu perds 2 points de vie. Ah. Chef. C'était peut-être une erreur que je m'en aille en fait. Jamais faire confiance aux alcoolos. Je suis pas alcoolique. Au moment où tu recules, tu le vois sauter par la fenêtre. Oh man. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Xiao? Alors, j'ai essayé de lui porter un coup pour lui couper la tête. Donc cette fois-ci, tu veux lui trancher la tête. Et j'ai fait une réussite majeure. Ah, tu l'as lancé. Je l'ai fait un petit moment, ouais. D'accord. Tu m'as demandé, mais ouais. Très bien. Ah, viens là. J'ai fait 31, si tu veux savoir. Très bien. Super. C'est quoi super, ça? Ça veut dire quoi, super? Il se passe quoi? Il se passe que tu sors... Tu prends de l'élan avec ta faux. Ouais. Et au moment où tu vises sa nuque, tu lui tranches la tête. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Tout à fait, de retour sur Indestar. Je laisse la parole à Mickaël, le maître du jeu. Et c'est reparti. Vous voyez la tête rouler. Rouler J'aime. Sur le sol. Je peux tirer dedans? Non, je te. Une gerbe de sang vient splatcher sur ton visage, Xiao. Et sur moi, il y a quelque chose. Vous voyez le corps sur toi. On voit le corps tomber. Non, pas spécialement. Okay. T'es un peu en retrait. D'accord. Est-ce que je peux parler et dire une phrase? Vas-y. Et toi, là, James? Ramasse sa faux, on va essayer de faire capituler le dernier. D'accord, sans un mot, je m'exécute. Bien joué. Très bien. Le corps sans vie et sans tête du premier pas. Et au moment où vous vous retournez pour voir le deuxième, vous le voyez en train de courir vers la fenêtre. Bah, je lui lance la faux. Ok, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Attends, il m'a empoisonné. Non, je déconne. Un jet de force? Non, un jet de dextérité, pardon. 54. Réussite. Très bien. Je fais quoi? Ça. Le cultiste, dans sa robe pourpre qui est en train de fuir, se prend la faux dans l'épaule. Dis-moi de seule couche. Il titube, il manque de s'écraser au sol, mais poursuit sa course. James, fais pareil. Ouais, moi, mais poursuit sa course. La vache. Encore au niveau de la fenêtre, mais cette fois-ci, il est en train de reprendre son souffle. Il a commencé à J'essaie d'aller le plaquer en fait. Bah t'as une faux. J'essaie de le plaquer parce que je le veux vivant en fait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. 56, c'est réussite normale. Très bien. Je vais regarder. Tiens, on va regarder. T'arrives pour. Tu es saisi d'un. Ah, j'ai pas. Ah, putain. D'une crampe. Non. Ah putain. Un éclair de génie. D'un sursaut. Tu saisis d'un sursaut. Tu pars pour essayer de le plaquer. Et au moment où tu arrives sur lui pour le plaquer, il t'échappe des mains et saute par la fenêtre également. Tibetain. Au moment où tu arrives au niveau de la fenêtre, tu regardes et tu vois qu'ils sont sur l'échafaudage et sont en train de courir pour redescendre sur l'échafaudage. Est-ce que je peux les poursuivre ? Oui, tu peux passer par la fenêtre et descendre au niveau de l'échafaudage. Ok, bah je fais ça. Très bien. Tu sautes au niveau de l'échafaudage. Rappelle-moi juste ta taille, s'il te plaît. La taille, c'est... 70, pardon. T'as fait un jet de taille, là, ça se passe comment ? Non, c'était... oui, c'était les statistiques du début. Ah, j'ai 70 de taille. T'as 70 de taille, très bien. Merci pour cette info alléchante. Tu te cognes à la fenêtre. Tu descends au niveau de la... De l'échafaudage et pour l'instant, on va voir pour les autres. Jacob, tu vois un homme en tenue pourpre sauter par la fenêtre, suivi de très près par James. Et qu'est-ce que tu fais ? Je le suis. Donc tu sautes à... Ouais, je saute à la fenêtre aussi. Très bien. C'est combien ta taille ? 65. 65 ? Très bien. Tu arrives au niveau de l'échafaudage et t'entends un petit craquement. tu sens le bruit du métal craquer, mais... Tu sens la connerie arriver. L'échafaudage bouge beaucoup, mais tu sens qu'il est pas en fait pas aussi solide que tu n'en avais l'air. Qu'il en avait l'air. Je re-rentre. Tu re-rentres ou... Ça branle vraiment beaucoup. Non, ça va, mais mais ça bouge un peu quand même. Il y a tout le monde qui est dessus. Attends, j'arrive. Est-ce qu'on est haut? C'est le quatrième étage. Ah oui, ça commence à faire un petit peu. Ça pique. Qu'est-ce que tu fais donc? Du coup... Il s'éloigne. Ouais, il est en train de s'éloigner, ouais. Je continue à descendre. D'accord, tu cours, tu descends. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, on va passer à Xiaou. Oui, je m'approche de la fenêtre et je lui lance des aiguilles dans les, tu sais, dans l'arrière des genoux là, pour qu'il puisse plus courir. Là, c'est sur un échafaudage, donc... J'ai une compétence lancée. Mais pas lancée à travers un échafaudage. Ça, t'en sais rien. C'est un échafaudage. Si tu veux, c'est un escalier qui descend en zigzag. Donc t'as les marches qui te gênent et... Si je pousse l'échafaudage, est-ce qu'il tombe? Tu peux essayer un jet de force. T'es con, on est dessus. On est dessus, allez, Eh, vas-y, fais-moi un jet de force. Non, attends. Je t'explique mon plan. Je chope les deux. Non, mais je les fais re-rentrer. Non, mais ils sont loin. Je sais pas quoi faire. Après, oublie pas qu'il y a encore Clifford et Noé. Énorme. Ouais, je vais voir Clifford, du coup je vais l'aider à se relever. T'as rien, Clifford? Ça va, tu vas t'en sortir? Oh putain, j'ai la joue bien enflée quand même. Ah d'accord, tu veux voir mon épaule? Sachant que le médecin vient de partir à la guerre. Ouais. On va attendre là, on va fouiller l'appartement en attendant qu'il revienne avec l'autre, le Gugus. D'accord, vous fouillez l'appartement? Bah je vais dans la chambre du coup, tu m'as dit qu'il y avait une masse difforme et on va aller... Tu arrives vers la forme difforme, sur le lit, et tu découvres une grosse masse rouge, une mare rouge autour de lui. C'est du sang ? Et c'est du sang. Clifford, tu sais ce que c'est, ça ? Non, je ne sais pas du tout. Parce que ça me paraît anormal, quand Attends, même. Répète. Quand tu te rapproches un peu plus de cette masse, tu reconnais le visage d'un homme, avec... une sorte de gravure au niveau du front faite avec des couteaux, et c'est une gravure très très profonde. Et je crois qu'il y a un visage là. Oui, tout à fait. Est-ce que ce serait pas ton pote? De voir son visage. C'est peut-être ton pote, hein. Tu te rapproches de ce visage et en fait tu reconnais que c'était ton ami. Et tu me fais un jet de santé mentale. Moi ? Ça commence bien. Santé mentale, c'est quoi? C'est la chance. C'est la santé mentale. Ah oui, santé mentale. Non, c'est le pouvoir. Non, c'est la santé mentale directement. Bah, écoute, mais c'est égal au pouvoir. C'est pouvoir ou santé mentale? Santé mentale. D'accord, donc j'ai 55 et j'ai fait 56. Pas de chance. Ah, donc tu me lances un des 6. 5. Ouf. C'est pas bon ça. Ouf. Quoi, 5, je perds 5. Ah bah. À la découverte du corps. Il tombe dans les pommes. De ton ami. Tu es pris. De nausée. De folie passagère. D'une nausée. tu as une odeur. Tu sens la mort devant toi. Tu repenses à ces moments passés avec lui. Et ta respiration commence à être puissante et saccadée. Tu recules et tu commences à. Vomis. Oui, bah tu vomis. Et. Mauvais acteur. Je peux lui dire petite nature. Je peux vomir vraiment, mais ça va pas te plaire, Thomas. Et tu commences à avoir l'impression de voir des cadavres un peu tout autour de toi. Putain. Vous voyez pas les cadavres là? Qu'est-ce que vous faites? Réagissez, putain! Calme-toi, toi. Et c'est par flash en fait. T'as l'impression qu'il y en a un, quand tu regardes vraiment, il y en a pas. Quand t'en regardes dans un autre endroit, tu as l'impression qu'il y en a un. Naomi, je deviens fou. Mon Clifford, reste avec moi. Attends, vas-y, je le ramasse. Je le ramasse et je le secoue. Ça va mieux? Tu le secoues et. Non, il a toujours l'impression de voir des corps morts autour. Et quand tu regardes. Mettre une. Et quand tu regardes un peu plus ces corps, juste avant qu'ils se volatilisent, tu as l'impression qu'en fait ils ont le regard de ton pote. C'est le visage de Jackson Elias que tu vois. Écoute, et à chaque fois ils disparaissent. J'ai pas envie de voir ça. Est-ce que je peux me mettre dans un coin et me cacher les yeux? M'accroupir dans un coin. J'ai pas envie de voir ça. Oui, il y a des applaudissements. Ouais, bravo. Ouais, il est mort. C'est trop cool. J'ai peur, j'applaudis. Tu te mets dans un coin et tu te caches tes yeux, c'est ça? Tu te mets dans un coin, tu te caches tes yeux et tu n'arrives pas à penser à autre chose que ça. D'accord. Mais les morts, tu les vois un peu moins globalement. Donc vous voyez votre ami qui se met contre contre un coin d'un mur et pas bouger. Vous voyez cette scène-là, c'est assez surréaliste. Est-ce que je peux utiliser mon intimidation pour lui dire « Reprends-toi » Tu peux essayer, tiens. Sachant que l'intimidation, ça fonctionne grâce à un discours. Avec... Faut que tu lui parles. D'accord, tu fasses le discours. Quoique, parce que l'intimidation, ça risque plutôt de lui faire peur. Oui, à base, après s'il veut mais tester, si moi je lui fais plus peur que ce qu'il voit, c'est bon. C'est un raisonnement de merde. C'est quoi ta logique? moins alors, égale plus. Tu l'as acheté en sol? Fais-moi un G en difficulté extrême. Tu vas vraiment le faire? Ça veut dire quoi en difficulté extrême? Ça veut dire que c'est un cinquième de ta stats. Fous-moi la paix quelque part. Ah, je peux pas dire ça. Un cinquième de 90. Fous-moi la paix. Ouais, normalement à côté de. C'est pas marqué. Ziao, tu devrais avoir marqué normalement les. Laisse-moi tranquille. Ziao, laisse-moi tranquille, je te dis. Oh. 66. Ok. Alors. Point. Il y a une grosse. Il y a la grosse brute du groupe qui arrive vers toi, Clifford. Attends, il faut qu'il fasse le discours. C'est Teddy qui doit faire le discours. Ah bah. Alors. Au moment où il arrive vers toi et qu'il commence à faire son discours, tu as l'impression que c'est la tête de ton ami. Avec d'ailleurs cette. Avec une étrange gravure sur le. Contrôler la caméra. Alors je rappelle pour les auditeurs de la radio que ce live est disponible en vidéo sur le live Twitch. C'est ça. Donc je vais faire une petite description. C'est une sorte de soleil avec des parenthèses autour. C'est assez étrange. Et. Quand tu vois Xiao Tung, quand tu vois Xiao Tung arriver vers toi et te parler, tu vois en fait le visage de ton pote d'Elias qui est en train de te parler. Et qu'est-ce que tu lui dis exactement, Xiao? tu lui dis Clifford, reprends-toi, bordel, c'est pas la première fois que tu vois ce genre de truc quand même. Oh putain, okay. Comment tu veux. Il est mort. Il est mort, Elias. Elias, il est mort, je l'ai vu juste avant. Oui, et alors ? Ça arrive à tout le monde de mourir. Et il te fait quand même un peu peur. Ouais, il te fait un petit peu peur. À moi ou lui Xiao te fait assez peur déjà. Avec sa tronche cadavérique. J'hésite à t'en mettre une en. Blanche avec. Mais tu perdrais trop de PV. C'est ça. Il se passe quoi du coup ? Pardon. Reste dans ton coin, au pire, on va voir ça avec ta femme. Parce que. Comment tu réagis, Clifford, exactement ? À tu... quoi ? Au fait que tu vois la tête de ton. Ah, je suis effrayé, je l'ai vu mort avant. Tu le vois remort. Tu restes tétanisé. Tu peux le réconforter, moi ? Non ? Mais s'il te plaît. Faire un jet pour le réconforter, il y a mieux. Tu peux mettre son lit, mais tu fais quoi exactement ? Tu vas lui dire. Tu vas lui faire un massage. Ça va aller, Clifford, ça va aller. Ça arrive, pense à des choses qui te détendent. Comme quand pense à cet été quand on était sur la plage. Ah oui, au bord de l'étang. Oui, bord de l'étang. Ok, je m'éloigne de ce genre de truc. Tu me fais un G. T'as des compétences particulières dans le domaine ou, non. Je peux lui parler en chinois. Alors non, mais c'est ma femme, donc c'est quelqu'un de rassurant pour moi. Oui, oui. Ça dépend comment tu la considères. Mais là, t'as, non, tu l'as vraiment... Donc, on se calme. Bah, tu sais, après, il y a des. Entre parenthèses, les pourcentages qui sont de base, c'est pas pour c'est nous. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ceux de base, bah, savoir lequel tu utilises. Bah, du coup, là, c'est la psychologie, non ? Oui, tu peux faire un jet de psychologie. Bah, fais un jet de psychologie alors. Ok. Et c'est le D. Et c'est en difficulté. Oui, difficulté majeure. Tu lances 2 dés, tu récupères le mauvais. Le dessin ? Ouais. Tu lances 2 dessins et tu récupères la mauvaise stat. Tu lances 2 fois les dés. Tu lances 2 fois les dés et tu gardes en le mauvais résultat. Le pire résultat. Donc là j'ai 50. Oui. Et j'ai 37. Donc c'est tu 50. Gardes 50. Tu gardes 50. Et t'avais combien c'est perdu. J'ai 10. Ah, oui, en plus. C'est ma femme. J'avais même pas besoin de mettre de difficulté. Bon. Ouais, c'est vrai, elle a pas un bonus vu que c'est sa femme. Enfin, même pour arriver à 50. Et c'est justement pour ça que c'est pas une difficulté extrême. J'ai. Donc, il se passe quoi ? Il se passe que t'arrives derrière et tu essayes de le convaincre. T'as l'impression d'entendre la voix de ton pote, en fait, de Jackson Elias, quand elle te parle. Toujours plus. C'est la voix de Jackson Elias. Oh putain. Et tu repenses à lui. Naomi, t'es où ? Je deviens fou, Naomi. Ça va aller, Clifford. Elias, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'étais mort il y a 2 secondes, Elias. Bon, sur ce drama, on va peut-être enchaîner sur ceux qui sont en train de descendre la course poursuite. Est-ce que j'ai gardé la dague ? Je peux la garder ? Oui, tu peux garder la dague. Ah, ouais. Tu vas le saigner, non ? On va passer à une musique plus sportive. Action. Vous êtes en train de descendre oui. Cet échafaudage. Faites-moi un jet Jacob de dextérité. Ah oui, j'ai déjà fait mon jet de dextérité. Super, t'as fait combien ? 2. Oh, c'est vrai ce mensonge ? Bah oui. Le dé devant moi, il a pas bougé. Très bien. Et toi, James ? J'ai fait 41. 41, très bien. Et j'ai 60. Donc toi... Jacob, tu descends très très vite et tu passes devant tout le monde. Tu passes devant James, pardon. Et tu arrives en sautant par-dessus le dernier échafaudage au niveau des deux autres. Ça, c'est mon camarade de Bavarie. C'est ça. Au niveau des deux autres cultistes. Et en arrivant, tu arrives à leur niveau et qu'est-ce que tu fais exactement ? Il y en a qu'un seul ? Non, il y en a deux. Non, ils sont deux à être partis. Ah, l'autre aussi ? Il y en a un qui est un peu plus loin que l'autre en fait. Tu arrives au niveau d'un et t'en as un deuxième qui est un peu plus loin. J'essaie de le plaquer au sol. Ok, c'était pour le plaquer au sol. Très bien. Ouais. Au moment où t'arrives pour le plaquer au sol, fais-moi un jeu de force, tiens. 96. Oh man. Il va s'auto-plaquer. T'as ton lacet qui est défait. Je suis pieds nus, je n'ai pas. Après avoir fait son Yamakasi, il tombe. Tu essaies de le plaquer et au moment où tu le saisis, tu le saisis au niveau de son torse, et c'est l'endroit exact où il avait la dague en fait. Il avait une dague sur lui et tu chopes la dague dans tes mains, ce qui te fait perdre. Yes. Ce qui te fait perdre 3 points de vie. Et pendant ce temps-là, il y a les deux autres cultistes qui partent et qui sautent dans une voiture noire. Ah, mais j'ai le droit à rien de faire. Ah non, non, t'es puni. Observe la plaque. T'avais pas raté ton jet ? Bah non, j'ai réussi, je t'ai dit. Ah, t'étais... J'ai fait 41 sur 60. Ah, j'avais compris, 41 sur 40. Ah, petit bâtard. Ah, fais-moi, tu voulais le plaquer aussi ? Oui, enfin je sais pas du coup. Non, ouais, je voulais le prendre par derrière quoi, lui attraper les chevilles quoi. Très bien. Fais-moi un jet de force alors si tu le plaquer. Et Fox 77 sur 70. Ah. J'en ai marre, on fait des trucs bien et puis ça foire. Au moment où tu essayes de le plaquer, ton pied s'enfonce davantage dans la poudreuse et tu glisses dans la neige et tu te prends la tronche dans la neige. Ok, bon, moi j'ai pas perdu. Et vous voyez les deux autres cultistes qui partent qui sautent dans une voiture et la voiture commence à partir. C'est le branle-bas de combat. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. Tout à fait, on est ensemble dans Enrôler dans la folie jusqu'à 23h. Je redonne la parole à Warl. Warl, le MJ. Je mets une petite musique. Je suis Batman. Ou du moins le maître des arcanes. Ou Batman. Et les hommes, les cultistes, habillés dans leur grande tenue pourpre, s'échappent devant vous dans cette... neige et cette nuit qui commence à tomber. Est-ce que je peux intervenir rapidement ? Vas-y. Est-ce que je peux prendre mon arc et essayer de tirer une flèche dans un pneu de voiture pour l'arrêter ou du moins la ralentir ? Ah, tu pourrais. Tu peux essayer, vas-y. Fais-moi un jet de dextérité. 18. Ah, allez. 18. Et t'as combien ? 85, c'est une majeure. Majeure, bon. Très bien. Tu touches un pneu de la voiture. Il s'acharne après, dessus. C'est ça, il s'acharne vraiment dessus. Après, la voiture avait déjà commencé à partir. Avec un pneu en moins. Oui, dans la neige surtout. Oui. Et du verglas, ça veut dire ? C'est ça. Et le conducteur commence à déraper avec sa voiture. Part. On va tous les tuer. C'est ça. On va gagner en XP au moins. Part en dérapant et tape dans les poubelles qui étaient un peu plus loin. Et après un redémarrage, elle commence à partir lentement. Et à ce moment-là, vous entendez des sirènes de la police. Ah, nice. Ah. Du coup, moi quand je vois ça, je cours vers la voiture. Genre. T'essayes de suivre la voiture ? Ouais, parce que ça démarre lentement, t'as dit ? Elle s'est pris les poubelles et il y a un pneu qui. Elle est à combien de mètres de moi ? Si tu me réussis un jet de dextérité, tu pourrais. En majeur, tu pourrais l'atteindre. Ok, j'essaye, je vais m'accrocher sur le capot. Tu veux t'accrocher sur le capot ? Non, mais j'essaye de les rattraper d'abord. Attends, tu veux faire quoi ? Tu veux t'accrocher sur le capot ou tu veux... Bah, en fait, là, ils sont en train de démarrer en soi. Ils ont commencé à démarrer, ils se sont pris une flèche dans un pneu, ça l'a fait dévier vers des poubelles. Oui. Et ça l'a presque arrêté. Et là, en redémarrant, il y a un pneu qui patine. D'accord, moi je cours vers eux et si je vois qu'ils commencent à démarrer, toi, j'essaie de m'accrocher à la voiture, tu vois, pour pas les lâcher quoi. D'accord, fais-moi un jet de dextérité en difficulté en difficile, donc tu vas lancer 2 dés et garder le mauvais bon. Ouais, c'est ça. J'ai fait 42, donc ça passe parce que j'ai 60 et j'ai fait 32, c'est donc yes 42 qui ça y passe reste. Donc t'arrives au niveau de la voiture qui patine et, qui a du mal à repartir avec la flèche qui est encore accrochée dans le pneu. Et tu t'accroches à l'arrière de la voiture. Donc c'est une vieille voiture avec une armature métallique. Si je vois que quand j'arrive, elle est à l'arrêt, je m'accroche pas derrière la voiture. J'ouvre la porte. Oui, oui. C'est pas logique sinon. Bah, elle commençait légèrement à avancer, donc elle est à vitesse de un peu plus, un peu au-dessus de la marche, mais pas loin, donc tu l'atteins assez facilement. D'accord. Donc ouais, je m'accroche donc, derrière. Donc c'est plutôt accroché derrière. D'accord, ok. Donc tu t'accroches derrière, tu chopes, en fait c'est une toile, et c'est décapotable. Ouais, c'est ça, c'est décapotable. D'accord. C'est une toile que tu arrives à choper. D'accord. Et tu t'accroches derrière. Sachant que j'ai mon scalpel, je peux peut-être ouvrir la décapotable. Tu découpes le toit bien proprement. En vrai, tu pourrais essayer si tu veux, vas-y, tiens, vas-y, fais-moi un jet de force. Allez, les dés, ils sont avec moi. Vas-y, j'ai fait 14, mon gars, j'ai fait une réussite majeure. C'est le tout de beauté. Je vais regarder mon. Pile la réussite qu'il fallait pour la réussite majeure. Donc tu sors ton scalpel, tu arraches la toile. Et au moment où tu arraches la toile, tu vois un homme se retourner et il tient les fameuses faux. Mm-hmm. Bah. Et quoi? Bah, ouais. Bah, quoi? Bah, on aura un V2. Et alors, il y en a dans la voiture? Il y en a d'autres. Il y en a dans la voiture. Faut toujours avoir un petit stock de faux, tu vois. Ah bah, ils avaient 4 faux, exactement. D'accord. Bah, il y a le chauffeur. Ouais, du coup, il se passe sa faux. Ils sont 3 dans la bagnole. Ouais, ils sont 3. Je suis pas du tout dans la merde. Oui, il y avait un chauffeur qui les attendait. Tu te retournes et tu vois l'homme avec sa faux. Et qu'est-ce que tu fais? Il t'a vu, il a la faux dans la main, il t'a pas encore attaqué, il t'a juste remarqué. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Face à ça, en fait, j'essaie de est-ce que, enfin, en termes de hauteur, est-ce que je suis à portée de bras ou genre si je vais pour donner un coup, je vais tomber dans la bagnole? Par rapport à la taille du trou, si tu peux rentrer grâce au trou. Non, est-ce que si je donne un coup à travers le trou pour donner pour un coup de scalpel, tu vois, sur le mec, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça m'entraîne dans la chute? Oui, tu peux essayer de l'attaquer au scalpel. D'accord. Et ben dans ce cas-là, je fais ça. Très bien. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît, encore. Là, j'attaque le conducteur, c'est ça? Non, là t'es à l'arrière, donc c'est un des hommes qui vient de rentrer et il y avait pareil une faux à l'arrière. Okay. Good enough for me. Donc force, c'est ça, hein. Ouais, vas-y. J'ai fait 91. Ah. Il perd son scalpel dans la bagnole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un choc des titans. Au moment où l'adversaire tend sa faux et essaye de te donner un coup, et toi que tu essayes de l'attaquer au scalpel, les lames s'entrechoquent et se bloquent voilà, c'est frotté métal contre métal. Il est mal positionné pour avoir de la force dans son arme et tu bloques sa lame, en fait, et d'accord, vous ne bougez pas. J'adore scalpel face à une faux. Il y arrive. En fait, j'ai fait la Première Guerre mondiale, les mecs. C'est assez fou, mais en fait, c'est surtout que le. Bah, c'est l'angle, en fait, de combat qui s'annule, en fait. C'est toi qui étais dans une bonne position et lui, il avait juste une main à peine avec sa faux qu'il le prenait mal. D'accord. Ouais, il a fait un échec critique, quoi. Oui, c'est ça. il a fait exactement le même score, c'est pour ça. Ah, nickel. Ok. Il se passe quoi maintenant? On va passer à quelqu'un d'autre ou... On va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Genre moi, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Ça fait. Toi, t'avais trouvé une dague. Ouais. Et tu la mets dans tes affaires, c'est ça? Ah oui, t'avais essayé de rassurer Clifford. Qui n'était pas très très efficace d'ailleurs. Donc là, il n'y a plus personne, donc je peux commencer à faire des recherches. Ah, alors ton mari est en PLS. Il y a le mari qui est vraiment en PLS et il s'est mis vraiment dans un coin. Ah, je peux plus rien faire pour lui, hein. Désolé, Clifford. Ça, il est en mode épouvantail. Épouvantail. Je peux peut-être chercher des médicaments. Tu veux essayer de chercher des médicaments? Ah, ouais, pour soigner Clifford. Très bien. Bah, fais-moi un jet de trouver objet caché. Trouver caché. 25. Et j'ai réussi bien bien parce que j'ai 70%. Oui, mais tu peux me dire si c'est une réussite ordinaire, majeure. Comment on fait? Enfin, majeure ou extrême. Je vais répéter. Tu as les statistiques où c'est divisé par 2 à côté. Ouais. Ah, tu l'as pas noté? 70 divisé par 2, ça fait 35. Ça sera, oui, donc t'es en simplement majeur. T'es en majeur, très bien. Tu trouves des médicaments sur la table de chevet, ils étaient juste à côté. Grosse réussite. C'est ça. Non, mais au final, il y en avait à côté, donc ça va. Et c'est justement Elias qui prenait souvent des calmants. Il avait l'air assez stressé d'ailleurs par le télégramme. Ça se voit sur sa tête. Là pour la tête pour le coup. J'ai combien de cachets dedans? mais avec le. Il est dans le repos éternel maintenant, ça va mieux. Bon bref. Elle a l'air stressée. Avec le télégramme, il avait l'air assez stressé et là tu as un paquet de cachets à moitié à peu près. Donc c'est pas un très très gros paquet, mais tu dois avoir à peu près 5 cachets à l'intérieur. D'accord, 5 cachets. Et c'est des produits calmants, mais après c'est pas très très... Enfin c'est pas un truc très puissant, c'est juste... Ça soigne Ça peut calmer la folie passagère. Ça peut calmer quoi. La folie passagère. D'accord, dommage. Je donne un cachet du coup à Clifford. Très bien. Des otages de qualité. Avec ce cachet... Tu gagnes un petit point de santé mentale. Ok, cool. Oh la drogue pour soigner. Je peux prendre les 4 autres? C'est legit. Non, c'est. File-moi la boîte! Si seulement. Quand tu montes à 300 mg. Il a bu les 4 autres, il est mort. C'est vrai que ça a été très, très amusant. Tu sens que ça va. Que ça va un peu mieux. D'accord. En fait, c'est l'effet placebo, mais. Mais ça va mieux. C'est ma femme qui me donne un médicament. C'est ça, c'est pour ça. Ouais. Donc tu te sens légèrement mieux, tu vois moins ces cadavres, mais tu n'oses pas regarder le visage de ton ami. De Elias? Ah ouais. C'est ce que je voulais faire. Ouais. Bah tu peux essayer. Tu peux essayer, mais... Plus, mec. En fait, ça te hante tellement que... Enfin après, c'est toi qui vois. Mais... en PLS. Voilà, c'est ça. Et là, dans la salle, on n'est plus que deux avec Naomi, on est d'accord. Tu veux essayer de regarder son visage non, à nouveau ou pas? Aussi, non. Fais pas ça. Si, si, tu peux. D'ailleurs, Xéo, il doit pisser le sang, non? Ouais, là, je suis en train de... Mais ah oui, j'attends mon tour. Il y a le sang qui coule. Quand j'ai cherché les médicaments, il n'y avait pas des bandages, des trucs C'était sur la commode, mais t'as justement... T'as juste cherché sur la commode, donc... Ah, d'accord. Du coup, est-ce que... Sur la commode. Est-ce que je peux prendre la parole? Tu veux pas chercher d'autres médicaments, toi? Moi, parce que j'ai essayé de trouver des trucs pour soigner le collègue Xiao, quand même. D'accord. Parce que D'accord, fais-moi un jet de... trouver où j'ai caché. Alors pendant ce temps-là, Xiao, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je comptais leur demander, justement, d'aller voir dans la salle de bain, dans le placard à pharmacie, parce qu'il y a toujours un placard à pharmacie dans la salle de bain. C'est logique. T'as qu'à y aller, alors, connard? Bah non, moi j'essaie de me faire un garrot là, tu vois. Je le sens, tu vois. J'essaie justement de me tenir pour ah, pas si que ça saigne. Donc allez voir. Ah là là. Bon, je vais aller dans la salle de Puis je dirais même, Naomi, va voir, t'es doué pour trouver des trucs. Je peux rechercher? Bah tu peux rechercher à nouveau si tu veux. Y'a pas trop d'action, ah bah, hein, ça va. Je cherche à nouveau parce que toi t'es nul, je crois. Ouais, c'est clair, l'autre il va me trouver une bouteille d'alcool. J'ai 70%. Franchement, si seulement le médecin était là. J'ai 69. C'est bon. Pile poil, mais c'est bon. Oh la vache. Parfait. Tu vas dans la salle de bain et avec de l'instinct, tu trouves assez rapidement un placard avec des bandages à l'intérieur et de quoi désinfecter. Ok, bon. C'est bah, ça la bibliothèque. Je soigne Teddy. Non, Xiao. On va passer à Jacob. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ton camarade partir et s'accrocher à la voiture et tu vois en train d'essayer de mettre sa main à l'intérieur de la ton arc de la décapotable. Tire pas dessus. C'est pas trop ce qu'il fait exactement, mais mais voilà. Et la voiture est en train de patiner et commence à redémarrer et avance. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je suis loin de la voiture là actuellement. Elle s'éloigne et de toute façon à pied tu peux plus l'atteindre. À pied je peux plus. Il va te saigner. Elle me tirait dessus, c'est con. T'as dit qu'on Xiao, il est tout. On a entendu les gyrophares de police. Ah, putain, il va y mettre la misère. Vous avez entendu la sirène de la police. On les a juste entendus, on les voit pas là. Là pas encore, non, vous la voyez pas ils encore. Sont pas là. De police qui fait t'es baisé. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu. Bah là, tu vois la voiture s'éloigner. Vite. Là, elle est en train de s'éloigner. Je retire une flèche pour dans la roue. Ok. Il va me défoncer. Tu me fais encore un nouveau jet, mais cette fois-ci en difficulté, tu lances 2 dés et tu gardes le mauvais. Oh Oh merde. Je rajoute un malus. Attends, c'est cassé ça, c'est cassé. Ouais, ça. Mais c'est bien parti. Il a déjà fait 0-0 sur 1. Okay, okay, c'est pas cassé, c'est pas cassé. Et merde. 63. Voilà, bah tu vas te la prendre la flèche, hein, tu l'as voulu. Ah non, dextérité, ça passe encore. 63, j'ai 85. C'est une normale. C'est une difficulté normale. Réussite normale. D'accord, très bien. Tu tends ton arc, tu bandes ton arc, tu tires, et au moment où tu tires, tu essayes de viser les pneus, c'est ça ? Oui. Tu essayes de viser les pneus, et avec le stress, tu as légèrement bougé, et... Le pied de James. Non mais là, ça aurait été génial. La flèche, elle passe dans la toile de la décapotable et se loge à l'intérieur de la. Attends, quoi ? De la voiture. Dans une tête ? Comment il peut tu pas diras passe à travers une fenêtre ? Parce non, que... non, c'est une décapotable. Enfin, c'est, il passe dans c'est la toile. Toile. C'est une toile que t'as déchirée avec le scalpel. Mais la toile, elle est au-dessus. Mais non, c'est non, il y a aussi derrière. C'est les vieux modèles. Ah, c'est devant et derrière. En fait. Cherche pas, t'y connais rien en bagnole. Ah oui, c'est oui, clair. Là, bref. C'est juste le déchirer. Je vous rappelle qu'on est en 1925. Yeah, yeah. Donc tu vois la flèche rentrer à l'intérieur. Tu ne vois pas grand chose de plus et la voiture s'éloigne. Pendant ce temps-là. James, oui. Donc il y avait moitié une ambiance avec le... Ouais, et une partie de frottement entre les lames. Et au moment où tu t'apprêtes à donner ton coup, tu vois l'homme qui t'apprêtait à s'attaquer se prendre une flèche dans le genou. Oh, là, vous remarquerez petite référence. Je fais un bon gros brofist à mon pote. Ah bah pas qu'un fils, c'est aussi une référence à Skyrim. Ouais, c'est ça. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. En effet, on est ensemble jusqu'à 23h. Je redonne la parole à notre MJ. Warl, dit Batman, dit Michael, dit l'autre con. Dit le sadique. J'ai pas entendu la fin. L'autre con. Très bien, très bien. Allez, balance. Ah, fais-moi un geste de chance. Une météorite s'écrase, t'es mort. Tu as un arrêt cardiaque. Non, pas mourir tout de suite. Alors, on a été arrêté à... Le fameux une flèche. Oui. Dans le genou. Dans le genou. Et l'espèce de petite bataille entre scalpel et l'arme qui était assez ridicule. Et oui, et, je dirais même, n'ayons pas peur des mots, totalement ridicule. C'est ma spécialité, ayez confiance. Ce cultiste est totalement faible. Mais, bah justement. Ah, ok. Mais tu vois mettre ses deux mains, parce qu'il avait juste une main en fait au début, ouais. Sa deuxième main sur son arme, et cette fois-ci il a reculé bien en arrière et prendre de l'élan et coupe la main. Se diriger vers toi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, donc là lui en fait il est en contrebas de moi, c'est ça ? C'est il ça. Il est assis ou debout ? Il est assis dans la voiture à l'arrière. D'accord. Donc il a l'arme. Et moi est-ce que je peux dans ce cas-là passer à l'avant ? C'est sûr, enfin toujours sur la capote hein, mais avancer, enfin faire une roulade, je sais tu pas. Veux passer il découpe par toute dessus. La capote comme un ouvre-boîte. Tu veux passer par-dessus la capote, essayer d'accrocher le. En fait, là je suis accroché à l'arrière de la capote. Ouais, et tu veux bien, mais tu veux escalader vers le haut ou sur le côté ? Sur le haut. Ok. Sachant qu'il est en train de t'attaquer. Ouais, mais non mais oui, mais justement, genre. Enfin, parce que. Attends. Ou si. Saute ! Bah je fais ça, parce que de toute façon il n'y a pas le temps, il m'attaque. Donc tu fais quoi, tu sautes ou tu... Bah je me tire très rapidement vers le haut. Ok, t'essayes de quand même esquiver le coup qui... Oui bien sûr, bah bien sûr oui. Très bien. Le but c'est d'esquiver mais vers l'avant. Fais-moi un jet de dextérité. Ça a l'air très con de dire comme ça, esquiver vers l'avant. J'ai fait 11 mon gars. Ouh, c'est mal. Une réussite extrême. Oh, bien joué, bien joué. Tu Je suis chaud moi ce soir. C'est clair. Tu es encore pris par ce coup de stress et sautes. C'est la première guerre mondiale qui part. Saute par-dessus en te hissant, en tirant très fort la toile. Et au moment où tu sautes, l'homme à la faux donne un énorme coup de faux à l'arrière et déchire toute la toile sur l'arrière. Toute la toile est déchirée et la voiture commence à avancer plus vite. Zigzaguer légèrement dans le... On peut pas aller très loin de toute manière avec un pneu en moins. que vous avez. Ouais, mais après c'était des vieilles voitures, hein, c'était quand même assez énorme. Ah, le bullshit quoi. Pour ma information, il n'y a qu'une seule voiture qui pouvait rouler sur trois roues, c'était une voiture présidentielle. Charles de Gaulle en avait une. Ok, ouais. Donc du coup. Justement, c'est une voiture présidentielle. Qu'est-ce qui se passe pas, ça, pas du tout s'appelle. En fait. La voiture part et avance. Enfin, commence à accélérer. On sent que c'est assez difficile. Et c'est une traction. Donc les roues avant tournent. Donc elle n'est pas gênée pour avancer. Voilà. Ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est ça. Et moi, du coup, là maintenant, je suis au niveau en fait du conducteur là. Oui, t'arrives au niveau du conducteur. Donc, est-ce que j'ai le droit de passer mon scalpel par au-dessus en fait, comme je voulais faire avec celui de derrière, mais sur le conducteur, histoire d'arrêter la voiture en fait et en passage de mourir. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Allez, je suis chaud jusque là. C'est pas le moment de me lâcher. 27 mon gars et j'ai 60, donc c'est une réussite majeure. Quoi ? Non. You fool. Oh man. Tu passes ta main au niveau de la toile, visant le conducteur. Il fait un grand écart de volant. Tu manques de peu de glisser, mais tu t'es quand même bien retenu. Et tu sens que il saisit ta main en fait. Il a attrapé ta main. Oh, le petit bâtard. Et après il essaye de la tordre et pendant ce temps-là t'as l'homme derrière avec sa faux qui est en train de se battre avec la capote qui est en train de oh la vache la situation putain c'est clair et t'as le deuxième parce que je rappelle qu'ils sont trois il y a le deuxième qui est à l'arrière qui se redresse légèrement en tirant le drap et qui te chope au niveau y a pas un mec qui a pris une flèche dans le genou ou... si c'est celui qui a l'arme celui qui est en train de se battre avec la ah d'accord ça a pas l'air de trop le gêner c'est rassurant justement il est en train de se battre il a tout le truc dans la tronche d'accord, il a d'accord ok il bon. A la flèche dans le genou il est dans le mal ok bon du coup je suis dans la merde quoi ça et deuxième donc t'es Alain qui t'a saisi un bras. Ouais. Et l'autre qui est en train de te saisir au niveau de ta veste. Mais il est à bout de bras et la voiture bouge beaucoup. Donc il y a tu sens que sa poigne est assez faible. Ok. Qu'est-ce que tu fais est-ce qu'avec mon deuxième bras, si je prends un CD lent, je peux genre foutre un pain à travers la capote ou c'est trop. Trop dense. Tu l'as déjà bien déchiré de toute façon. Ouais, elle est en vrai, elle est vachement déchirée et tout. Donc tu peux essayer, mais c'est plutôt un test avec un démalus. Ah, man. Dans ce cas-là, est-ce que je peux tirer très. Saute de la bagnole, barre-toi de là. Ouais, mais enfin, mon bras qui est un peu maintenu là. Est-ce que je peux retirer vivement ma main et de son emprise ou est-ce que vraiment Alors avec un jet de force et là Jacob oui. qui était toujours en bas tu vois une voiture de police arriver de police arrive. De police c'est la police c'est la police c'est la police la toute voiture de police qui arrive et qui arrive assez rapidement qui arrive dans la zone et se gare au niveau de l'entrée de l'hôtel. Oh, le pot de bol. Qu'est-ce que. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. T'as fait ton jet de force ? Ah, excuse-moi. J'ai fait 41, j'ai réussi, mais normal. D'accord, une réussite normale. Au moment où tu. Retires ton bras, l'homme. Qui est en train de te saisir. La main ? Par le... Non, l'autre. L'autre. En train de te saisir la veste. Voilà, c'est ça. En train de te saisir. Te... Saisir la veste. De saisir la veste. Te tire légèrement en arrière, tu bascules légèrement en arrière et tu te retrouves au niveau des sièges arrière. Ah, je suis dans la voiture là ? Ouais, c'est ça. Okay. Tu arrives au niveau des sièges arrière. Première émission. Bah, du coup, vu que la toile est déchirée, tu passes au travers, ouais, okay. Derrière la toile. Ouais. Ok. kidnappé première émission. Nickel. Il se passe, on passe quelqu'un d'autre, je pense. Tu peux essayer de te débattre encore. Ah ouais. Et bah dans ce cas-là, j'essaie de donner un gros coup de pied dans la porte pour essayer de l'ouvrir et m'échapper en fait. Ok, très bien. Fais-moi un jet de force. J'ai fait 62, ça passe normal. Okay. J'ai 70. Très bien. Putain, Indiana Jones, mon gars. Tu veux faire le malin. Tu pousses, tu donnes un coup de pied dans la porte. Tu cherches à partir très rapidement. Et au moment où tu cherches à partir, il y a le cultiste qui te saisit et qui te pousse pour te dégager de la voiture. Et au moment où il te dégage de la voiture, tu tombes la tête la première dans la neige. Ah. Et comme c'était une assez forte épaisseur de neige, tu perds un point de vie. Oh, ça va. Ça va. En tout cas, c'était une grosse action pour pas grand chose. C'est ça. C'était beau de le tenter. Ouais, hein. Et donc toi, Jacob, tu vois ton camarade James s'écrouler dans la neige et la voiture repartir à volo. En trombe. D'accord. De la voiture de police, vous voyez deux personnes sortir. Un homme aux cheveux très courts, un grand front, cheveux plutôt grisonnants, avec une jolie tenue plutôt propre, sort et marche dans la neige et se dirige vers l'entrée. Il a l'air d'être pas spécialement pressé, mais il rentre dans l'hôtel. Qu'est-ce que vous faites ? On va le voir. Toi, tu vas le voir, c'est ça ? Ouais, je vais le voir et puis je lui explique. Ok, tu te diriges vers cet homme. Ouais, est-ce que je vois un bar ouvert ? Pendant ce temps-là, on va passer à. Naomi, peut-être. Le trio d'enfants. Naomi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je cherche des objets en rapport avec le symbole le soleil parenthèse. Tu cherchais des bandages tout à l'heure. Parce que tu cherchais des bandages là tout à l'heure. T'en avais trouvé. Ah oui, j'en avais trouvé. Mais oui, t'avais trouvé des bandages, c'est ça. Et tu les regardes. Est-ce qu'on peut essayer de me soigner? Oui. Ah, parce que j'ai toujours pas soigné. Non. Il faut faire des lancers de dés pour ça. Je me soigne alors. Premier soin. Moi aussi, j'essaie de me soigner. T'as une compétence soin. Il y a 30% de base. D'accord, ce premier soin c'est ça ? Ouais. Très bien, bah, tu fais fais-moi un lancer de premier soin. 57. C'est raté. Qu'est-ce que tu voulais faire exactement en fait ? Tu voulais le. Mettre les bandages. Faire les bandages ? Alors tu les fais, mais. Okay. Tu fais un garrot, ça a l'air sans bras. C'est bon, je t'ai guéri. On a oublié de mettre le désinfectant. Si tu veux, tu peux retenter ta chance, c'est moi qui lance les dés. Vas-y. Ouais. Aïe. Très bien. Il va me saigner encore plus. Rappelle-moi la stat, c'était 25 ? 30. 30 ? Ah, 30. Très bien. Tu lui mets les bandages. Tu les serres assez fort. Mais ça ne le fait pas gagner de points de vie, en fait. Ça a juste arrêté l'hémorragie. D'accord, est-ce que je peux recommencer pour enlever le bandage pour me refaire un bandage parce que... Tu veux te faire un bandage? Bah ouais, hein. Ok, tu peux essayer de te faire un bandage. Oh les mecs, quoi. Ouais, non, je le faisais sur Clifford en fait. 76 échec. Ok. Et t'as 30, c'est ça hein? On a tous 30. Donc ouais. Ça veut dire que c'est un échec majeur. J'ai 50. Ouais. Parce que 30 x 2, 60. On peut, ouais, on mais peut bon, c'est pour faire un bandage alors au final. Je crois pas qu'il y avait cette règle, mais on peut la placer, c'est très marrant. Non, bah non. Je peux pas perdre des points de vie en faisant un bandage, bordel. Pour les mecs, un plaisir. Tu te refais un. En fait, tu défais les bandages. Il est tout aussi mal fait. Tu sors tes aiguilles et t'essayes de te recoudre la plaie. T'arrives à recoudre et au moment où tu resserres les bandages, tu essaies encore plus fort parce que t'es énervé. Et t'as un mec qui vient de se battre. Mais j'ai réussi à ressouder, c'est déjà pas mal. Course poursuite, non. Mais et de l'enfer et tout. Et l'autre, t'as, ouais. T'as les deux autres. Et ouais. Tu perds un point de vie. Putain. Mais j'ai ressoudé. Et tu viens de te dire, au moment où t'as fini de serrer tes bandages, mm-hmm. tu t'es fait mal en serrant, et là tu t'es dit, mais attends, mais j'ai pas désinfecté mon aiguille. Couillon. Mes aiguilles d'acupuncture sont toujours désinfectées. Le mec, oui, quoi. Sachant qu'elles ont traîné je sais pas où. Dans ma poche. Dans l'autre soirée, quand tu les as perdues. Ah, quand je les ai. Ah, bah oui. Tu te souviens du lépreux qui a vomi dessus. Tu te souviens de la bestiole. Tiens, bah d'ailleurs, tiens, je te passe le reste des bandages, essaye de te soigner. Tu les gardes, hein, tonton. Bah, tu vas pas soigner des bandages. Je te passe pas mes aiguilles, mais prends les produits pour te soigner ta joue. Les bandages. Bah, qu'est-ce que tu veux que je soigne ma joue. J'ai pris un cocard, j'ai un bleu, c'est tout. Bah, prends la pommade. Ah, y'a de la pommade. Bah ouais, tiens, d'ailleurs. Bon bah je prends la pommade. Très bien. Tu prends la pommade, t'essayes de te soigner. Est-ce que également je peux me mettre de la pommade et regarder en même temps dans la salle s'il y a des choses d'intérêt, parce que c'est mon ami qui était là. Tu peux faire un... En fait non, je m'en fous de la pommade, je vais regarder dans la salle s'il y a des trucs intéressants. Fais-moi un test de trouver objet caché. C'est de la crème pour les pièces. Oui, objet craché. Toi aussi, Naomi, tu cherches, je crois. Ouais, bah ouais, Fais recherche en même temps. Tu peux additionner ou pas? 21 réussite. 47 réussite. Alors, c'est pas une réussite possible, c'est une réussite normale. Réussite moyenne. Normale. Moyenne. Pourquoi alors, t'as combien? Qui cherche où exactement? Mais si, 21 c'est une réussite bien. Bah oui, c'est une réussite majeure. Non, parce que divisé par 5 ça fait 14. Ouais, mais divisé par 2 ça fait 35. T'as difficulté. C'est majeur le mot. T'as ordinaire, ah oui, pardon. Majeur et extrême. Bah majeur. Alors. Réussite majeure et réussite ordinaire pour moi. Très bien. Oui, c'est ça. Vous cherchez où exactement? Moi, je cherche dans son bureau. Je sais que c'est là qu'il travaillait. Voilà. D'accord. Tu cherches au niveau du bureau. Il y a un bureau. Hein. Au niveau du bureau, tu trouves. Tu trouves une étrange boîte d'allumettes. Qui est. Je te laisse faire la description de l'objet que tu trouves pour être précis. Alors, c'est une boîte d'allumettes de petite taille. Avec. C'est une boîte d'allumettes publicitaire avec au tigre trébuchant, écrit dessus. C'est peut-être un endroit où aller. Au 10, j'arrive à lire, 10 Laptero Street. C'est important. D'accord, ça. Oui. Connais pas. Très bien, très bien. Qu'est-ce que trouve Naomi? Ouais, Naomi, tu cherches où exactement? J'aurais peut-être dit dans la chambre. Dans la chambre? Au niveau du corps Ouais. Tu sais comment perdre de la santé mentale. C'est ça. Ouais, mais elle le connaissait pas. Enfin, tu fouilles le corps au niveau du corps et c'est quand même très très malsain. Tu vois que la pourquoi peau est plus... obligatoirement le corps? Il n'y a pas des tables de chevet avec des trucs? Bah, tu peux regarder après. Enfin, bon, tu as juste regardé pour voir s'il y avait quelque chose et tu n'as pas vu grand-chose et tu passes au suivant. Et au niveau de la table de chevet, tu cherches, tu regardes. Et en cherchant la table de chevet, tu vas trouver une étrange lettre. Je te laisse la lire. À voix haute? Oui, ce serait peut-être mieux. Enfin, à moins que tu veuilles garder l'info pour toi. Alors, le 3 janvier 1919. Donc, cher monsieur... Quoi? Ah, d'accord. Cher monsieur Carlier... Carlier. C'est ça. J'ai appris que vous cherchiez certains renseignements concernant mon pays et je serai prêt à vous venir en aide. Je possède moi-même certaines pièces que je crois d'une grande importance. Si nous pouvions parvenir à un arrangement, je serais prêt à vous les céder. Bien sûr, elles sont très anciennes et j'en attends un bon prix. Je ne doute pourtant pas que nous parviendrons à nous entendre quand votre agent me rendra visite. Je suis installée rue des Chocals dans le Vieux-Caire. En l'attente, je reste votre humble serviteur, Faraz Nagy. Un chocal, des chocos. On a entendu ça, nous, Clifford et moi. Elle nous l'a lu à haute voix pour oui. nous. On peut dire qu'elle a lu à haute voix. Oui, oui. Tu le connais, le premier mec qu'elle a cité, là? Carlite ou je sais pas quoi? Vous avez entendu parler des Vous avez lu quelques brochures de journaux qui parlaient justement de... D'une expédition disparue ? L'expédition disparue. Oui, ça me revient, oui. Ah oui, si. Vous avez lu quelques c'était brochures. C'était l'expédition Carlyle. C'est ça, c'est une expédition. Et ça vous dit quelque chose ? Avec un jet d'intelligence, peut-être que vous pouvez retrouver quelque chose non. De plus... Non. Ouais. Ok, je le fais. Intelligence, je jette. Ouais, je vais le faire aussi. Zéro. Zéro. Zéro. 66. Réussite critique. C'est de toute beauté. Ah, 0, 0, 0. 0. Première réussite alors, critique. Non, sachant normal. Que j'ai 90. Ah non, j'ai fait 2 tout à l'heure. Enfin, à 0, 0, 0, t'es la réussite critique. Hein, c'est... Oui, mais j'ai 90 en plus. Ouais. Et toi, Xiao, avec tout sourire. 66 66 pour 43. Échec, oui, bah oui. Hein. Alors là, vous avez Xiao qui est en train de se creuser la tête complètement. Avec les aiguilles. Avec la main en train de se gratter. Vraiment la tête, oui. Et il a une mine vide, genre. avec un filet de bave sur le côté. Carlyle, c'est. Et attends, c'est pas en Tunisie ça? Ça a pas l'air d'être très abouti. Par contre, Clifford... Il est omniscient. Tu te rappelles précisément de cette expédition qui est parvenue quelques années avant et tu t'es dit que dans tes affaires, tu as plein de brochures de journaux qui en parlent et Jackson Elias était justement en train d'enquêter dessus c'est justement... l'une des sources pour laquelle il parlait. Il parlait d'accord. Beaucoup de ça et beaucoup trop de ça des fois. D'accord. Venez, approchez. On vous embarque avec nous. 20h30, 23h sur Indestar. Entrez avec nous dans l'antre de Cthulhu. On est reparti jusqu'à 23h dans Enrôlé dans la folie. Les hommes. Voilà, c'est mieux. Les hommes. De leur tenue pourpre viennent d'échapper. La voiture est actuellement en train de partir et Jacob... moi j'essaie de relever la plaque d'immatriculation de la voiture. Très bien, fais-moi un G d'intelligence. Non, mais ah non, si c'est bon. Non mais c'est bon. Ah c'est bon. Heureusement que c'est pas 36 majeur. C'est une réussite majeure. C'est beau ça. Tu vas pas faire un jet à la voiture pour voir si elle fait mieux. Arrête, il en serait capable. La plaque, elle se retourne. Ne me tente pas. Tu vois la plaque, c'est NYL7. NYL7. C'est ça. C'est la plaque. Attends, il n'y a que 4 chiffres. 4 Ouais, c'est NYL7. Je te le redis parce que ah bah, c'est petit bâtard. Il n'y a pas le numéro du département. Non, 1900. Non, mais on est en Amérique. En Amérique, 1925. Ah bah, 307, le numéro de département. Non, c'est bon, j'arrête. Bon, allez, bon suite. Vous avez un homme d'une carrure assez imposante, très bien habillé, cheveux courts, grisonnants, comme je disais, avec un grand front. Qui sort de la voiture de police et qui se dirige vers l'entrée tranquillement. Il n'a pas l'air d'être très stressé pour l'instant. Que faites-vous? Moi, je dis au flic, faut y aller. C'est un flic ou c'est quelqu'un Il sort d'une voiture de flic, il semble avoir un uniforme. Après, il est un petit peu loin. D'accord. Ouais, bah moi, je fais, monsieur, faut aller au quatrième étage. Mes amis, ils sont dans la merde, faut aller les aider. Parce que moi, j'ignore tout ce qui se passe. Le mec te regarde, il fait quoi. Et il sort. C'est la merde, chef. Il sort son arme sans viser, hein. Il met sa main dessus et là il dit mais qu'est-ce qui se passe? Faut aller au quatrième étage, mes amis se font agresser. Il y a un corps, il y a de les morts, c'est la merde, il faut monter au quatrième étage, monsieur, vite. Et là, il prend un air plus sérieux et il fait bon très bien. Il se retourne vers son collègue, appelle des renforts, je monte. Et il se dirige vers l'entrée. Et tu le conduis à la chambre, c'est ça? Ouais, en courant. Très bien, en courant. Pendant ce temps-là, il y avait Naomi, Clifford et Xiao qui étaient en train de réfléchir. Ou de mourir, ça dépend. Oui. Ah oui, ça va encore. Tu avais réussi à mal faire tes pansements. J'ai 6 points de vie. Donc toi, Clifford, tu t'es immédiatement rappelé que c'était une expédition Carlyle qui était assez mystérieuse parce que il y avait une autre expédition pour les retrouver et visiblement ils ont tous été tués. Après chez toi tu te rappelles avoir gardé plein de brochures de journaux. Au moment où tu continues de marcher et tu fouilles un peu les lieux, tu retrouves un deuxième papier qui est celui-ci. Vu que tu avais fait une réussite critique. Oui, c'est un papier. J'explique ce que c'est le papier. Hein. Vas-y, je te laisse l'expliquer. C'est un prospectus pour une conférence de 2 heures illustrée par des diapositives délivrées par le professeur Anthony Coles. De l'université de Sydney. Très bien. Ce soir seulement, à 20h. Ce soir, effectivement. Il y a une date ou pas, d'ailleurs ? Non, il n'y a pas de date. Ça va être une très bonne question. Est-ce que c'est ce soir, du coup ? Ça, il faudra le regarder. Il est 19h45, tout à l'heure, il était oui, 19h45. Tout à l'heure, il est 19h45. On va arriver en retard, là-bas, si c'est ce soir. C'est ça. C'est une excellente question. Je vais pas vous le dire. Ah, on ne sait pas. Mais il va falloir s'y rendre si vous voulez savoir. C'est à l'université de Miskatonic à Arkham, d'accord. Il est quelle heure là déjà? Là. Il doit être 20h, 20h15, un truc. Il doit être à peu près, c'est ça, 20h15, 20h30 même, je dirais. D'accord. Ça a été assez rapide hein, en fait. Oui, ça a été assez rapide, ouais. Par rapport. C'est bien fait massacrer. Moi ça va. Est-ce que vous cherchez le cadavre du type qui est décapité ? Bah oui. Aussi ? On le fouille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui... Naomi ? On le fouille. Naomi, ouais, tu te lances ? Ouais, je me lance. Très bien. Je te laisse fouiller alors le cadavre. 74. J'ai perdu. Échec normal. Très bien. Tu cherches et au moment où tu... Tu regardes la tête coupée, ça te rappelle des mauvais souvenirs, ça te rappelle des mauvais moments passés avec lors de la fois avec les tenues similaires, lors de la dernière fois que tu as rencontré une personne avec une tenue similaire. Et tu as comme un blocage et tu dis non, je vais arrêter de fouiller. Bloqué. Ouais, j'ai une question. Je vois le médecin, James. Je suis pas là encore. Là, il est en train. Ils sont pas arrivés encore. Tu peux l'entendre crier dans le. Ouais, parce que je gueule. Quoi. Ok. Ouais, tu peux l'entendre crier. Je vais là-bas, je prends les bandages, et j'ouvre la porte et je lui dis hey, mettre Tobib. Soin, heal. Heal. Ok. Pendant ce temps-là, au moment où tu arrives à la fenêtre pour crier heal, tu as le. Par la porte. Tu les vois arriver assez rapidement. Okay. Avec le policier. Policier, je lui dis que c'est par là-bas, il y a d'autres gens si vous voulez, il y a une scène de crime. Et au médecin, je lui dis d'accord. Il. Le policier, il rentre, il vous regarde, il fouille un peu les lieux et ensuite il s'arrête devant le cadavre. Et il fait un peu le tour de la pièce pour voir s'il n'y a pas des gens aux alentours. Une faux qui traîne. Non, mais oui, voilà. Et puis revient vers vous et fait. Je me présente, je suis Henri. Je suis le lieutenant Martin Poole. Okay. Et j'aimerais vraiment, mais alors vraiment, que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que ça. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'adresse à qui? Là, il est en train de te regarder toi parce que... D'accord. Alors, je veux bien vous expliquer, mais vous avez plutôt demandé aux autres, ils parlent mieux l'anglais que moi, et pendant moi, ça, je vais aller voir le Toubib, il. vous avez un... C'était dit qu'à l'entrée, hein, donc... Vous avez quelqu'un qui peut vous soigner? Parce que oui. J'ai rappelé des renforts, il y a des renforts qui vont arriver. James Cooper est un médecin légiste, il a des dons en médecine. Mais les mecs, je suis là. Vous n'avez pas besoin de parler pour moi. Je suis là, dès que je le vois, en fait, je m'occupe à prendre les produits qu'il m'a donné, à refaire son bandage, désinfecter la plaie, refaire ses points de suture, etc. Là, tu réalises. Fais-moi un jet de soins, c'est ça, pas premier soin. Médecine. Médecine, voilà, c'est ça. J'ai fait 50. Et j'ai 95, donc c'est une réussite normale. Très bien, lance-moi un des trois pour le nombre de points que tu vas lui redonner. Ok. Je lui redonne 2 points. Très bien, tu reprends 2 points de vie. Et au moment où tu lui refais le bandage, tu te rends compte que la plaie s'était infectée sous le bandage. Ça va vite. Bah, il désinfecte. Oui. Parce que c'est infecté en quelques minutes. Bah ça, c'est pas purulent, etc. Mais ça a juste gonflé et c'est mauvais signe en fait. D'accord. C'est pas quelque chose de grave. C'est juste que ça a commencé à gonfler parce que tu remarques que ça avait pas été désinfecté. D'accord. Et ça a été même cousu vachement dégueulassement. et tu dis c'est pour ça qu'il était vraiment pas bien et tout pâle. D'accord. Ça c'est parce que je suis chinoise. Bien connu, les Chinois sont pâles. le lieutenant a un air assez pas agressif mais très méfiant et il a l'air vraiment de chercher des explications et il est vraiment sur ses gardes quoi. Je comprends pas pourquoi. Allez voir Clifford, le monsieur qui est là-bas, et il pourra sans doute vous en dire plus. D'accord. Il se dirige vers toi Clifford. Qu'est-ce que tu fais? Je lui explique tout ce qui s'est passé depuis le début, que je suis entré, que c'était mon ami qui habitait là et que on a dû défoncer la porte, on n'avait pas le choix, qu'on l'a trouvé tendu avec 2 autres mecs bizarres qui étaient là, enrobés dans des toges, que mes compagnons ont été le chercher. Trois. Hein ? Ils étaient trois là-bas. Ils étaient trois et que mes compagnons leur ont couru après, que moi j'ai été choqué de voir mon ami. D'ailleurs, on a un cadavre à fouiller. Eh bien, je pense que je vais devoir vous mettre en état d'arrestation. Pardon. Vous êtes des potentiels meurtriers. Mais c'est mon ami qui était là, pourquoi j'aurais fait ça? Ah, je vais pas vous mettre en prison, mais on vous retient pour vous interroger. On? T'es tout seul, mec? Je viens d'appeler des renforts et ils sont là d'ici quelques minutes. Calme-toi, toi. Okay. Et en plus, t'es en train d'entendre des gens en train de rentrer par les escaliers. Ouais. Donc, ils sont là. Attends. Il se retourne, il fait « on ». Et il est en train de faire signe dans la direction du bruit. Moi, quand j'entends ça, je suis vachement connu dans la police, en fait. Je suis vraiment un criminologue de renom en Amérique. Et est-ce que je peux faire jouer justement de ma réputation, de ma prestance pour leur dire non mais attends vous savez qui je suis, vous pensez vraiment que je suis un meurtrier, je suis venu vous chercher, je lui fais appel à sa raison, tu vois mec. T'étais là quand Clifford a expliqué la version? On était tous là, à côté. Et te regarde et te fait vous confirmez sa version et vous approuvez ce qui oui, s'est passé. Je me porte garant de lui, y a pas de problème. J'étais là, moi j'ai même poursuivi les mecs sur la voiture. J'ai failli mourir à cause de la voiture. Très bien. Je me porte garant. Vous la procédure, c'est la procédure. On vous emmène au poste. Si si vous répondez aux questions et vous nous donnez plus d'informations. S'il vous plaît, ils vont s'enfuir là. Ils vont s'enfuir. Et puis. Qui ça quoi les mecs qui étaient là, moi je les ai poursuivis sur leur voiture. Ils ont une rue crevée. Il faut les poursuivre. On a encore une chance de les rattraper. C'est ça. Bon, vous savez quoi, je vais descendre quand mes collègues vont arriver. Je vais essayer de les poursuivre. Mais on vous interroge au poste. Et si vous êtes très coopérant, on vous relâchera assez rapidement. Il y a une possibilité de passer à l'hôpital avant que vous nous envoyiez au poste, parce que bon, je suis en train d'un peu de... Vous inquiétez pas, il y aura quelques soins de fait avec. Ah. Et tous nos investigateurs sont conduits au poste. C'est le branle-bas de combat. On va vous enrôler dans la folie sur Indestar. De retour dans Enrôler dans la folie, on est ensemble jusqu'à 23h. C'est presque fini. Les policiers ont pris le relais après le lieutenant Martin Poole. Le lieutenant Martin Poole a très rapidement rejoint sa voiture. Martin Poole de la police. De la police, c'est ça. Le policier, tu repenses au futur, il part pour aller inspecter et essayer de retrouver la voiture en suivant les traces très fraîches dans la neige. Pendant ce temps-là, les policiers oh bordel vous Bah, vous encerclent globalement et. Ils ont d'autres voitures peut-être, non? Ouais, il y a plusieurs voitures maintenant. Donc, ils nous emmènent au poste, j'imagine. Donc, on va. Ils vont t'emmener au poste, mais avant ça, je vais passer à Jacob. Jacob, tu as des policiers qui arrivent dans la zone et qui viennent vous voir et qui fait. Dites-moi, monsieur. Au papier, s'il vous plaît. C'est vrai. Fais-moi un test de crédit. Non. Allez, on enchaîne. Fais-moi un test de crédit. Bah, oui, bah j'ai un en crédit. C'est la même 52. C'est attaré. Ils vous regardent un peu bizarrement. Il y a deux policiers. Hein. Ils vous regardent bizarrement. Ils te regardent bizarrement, pardon. Ils font. Avez-vous vu des choses étranges dans les parages Ah non, moi, ça des événements. Rien, rien. Vous avez pas vu une voiture partir, un accident de voiture Il y a les traces. Et en plus, il y a les traces qui sont fraîches juste à côté. Une poubelle renversée. Si, bah, je leur dis que j'ai vu une voiture avec un pneu crevé rentrer dans une poubelle et puis avoir une conduite suspecte. Sachant que t'as un arc sur toi là. Le mec part bien. Ouais, mais je pars à la chasse. Vas-y, prends-les pour les cons. Et mais quand ils vont te retrouver. Non, mais ouais, du coup, vous avez vu une voiture partir, vous avez pas plus d'informations que ça, c'est. Bah, si, bah, je leur explique la situation. D'accord, donc tu dis précisément quoi qu'une voiture est partie, qu'il y a eu. Enfin, tu leur racontes absolument tout, genre ton pote qui a essayé de sauter dessus, etc. Ah, je leur explique vraiment tout, qu'on était dans l'hôtel, on a vu les individus qui sont passés par la fenêtre, on les a suivis, et puis moi du haut du quatrième étage, je leur ai crevé le pneu avec mon arc, et il y a mon collègue qui a sauté sur la voiture. C'est un faucon, le mec. D'accord, vous vous rappelez un peu de la... De la voiture, est-ce que vous avez par hasard des détails plus sur la plaque? Oui, j'ai réussi à relever le numéro de plaque. Ah, et bah super. tu leur fournis le numéro de plaque qui était NYL7. Exactement. Et les deux collègues se regardent et ils font bon, on l'embarque. Il a l'air quand même assez bizarre et assez suspect quand même. Est-ce que moi je les vois l'embarquer? T'étais où? Attends, t'étais bah non, ils sont tous dans l'hôtel. Non, toi t'étais encore dans l'hôtel, okay, donc tu les vois pas sans te faire embarquer. Okay. Enfin, pas tout de suite en fait, parce que les policiers, donc on va revenir sur vous du coup. Les policiers vous embarquent quoi, au niveau de leur voiture, et c'est là où tu peux voir ton ami Jacob, ton camarade de beuverie. De beuverie, exactement, Jacob, qui part en voiture. Est-ce que genre, j'ai le droit de dire au mec qui nous escorte non, mais le mec là vous avez embarqué, il était avec nous à la base. Hein. Il nous embarque aussi alors au pire. Le monsieur là, Jacob, il a dit ouais, que c'était. Ouais, le pouilleux là. Ça, il est avec vous le mec à l'arc, il m'a même sauvé la vie lorsque j'étais sur la voiture. Ah d'accord, c'est d'accord, ok. Il te regarde un peu bizarre parce que tu as l'air... t'as un style totalement différent alors que l'autre, c'est vraiment un pouilleux. Oui, mais vous savez, quand on a bu une fois avec quelqu'un, on est très proche. Il te regarde vraiment bizarrement. Et puis, il reste un peu bloqué sur ton visage et dit... je vous ai pas déjà vu d'ailleurs, ou du moins... Si vous devez sûrement me connaître, James Cooper, criminologue de renom. Ah, c'est donc vous. J'ai travaillé sur énormément de police, de crimes avec la police, notamment avez, New York. Vous avez bizarrement fini tout de même. Enfin, vous avez. Je suis encore en vie. je comprends pas la phrase. Non mais alcoolique. Non, vous avez sombré dans. Ça m'empêche, ça m'en, non, monsieur, oui, je bois beaucoup, mais ça m'empêche pas de faire mon travail et d'être bon dans ce que je fais. D'accord, très bien. On va faire une petite ellipse. Vous allez tous vous retrouver dans une salle. Une salle avec, quelques temps plus tard, le lieutenant Martin Poole. Au poste, ouais, c'est ça. Ils m'ont soigné entre-temps ? Oui, et ils t'ont soigné et tu as récupéré l'équivalent de 2 points de vie. Oui, on a tous été soignés ou... Il y a Clifford aussi qui est blessé. Et puis moi aussi. Toi aussi, t'avais aussi, hein, je me suis pris. Bah, vous prenez. De toute façon, vous avez tous eu vos 2 points de vie. De plus. Ah, d'accord, ah ouais, je prends. Okay, bah, ils, vont, ils vous ont soigné, etc. Sachant que j'ai. Ouais, il me reste 5 heures à soigner. C'est ça. Même quand de base, on avait que 12. Bah, si vous êtes limité à 12, ça reste à 12. Tu vas à 14, voyons. Si seulement. Le lieutenant Martin Poole arrive dans la pièce. Donc, c'est une pièce du commissariat. C'est une pièce plutôt froide, en fait. Elle n'est pas très, très bien chauffée. Les sièges sont corrects. Et vous étiez resté enfermé sans contact, sans grande surveillance. Et là, le lieutenant Martin Poole rentre et vous regarde en soupirant et vous dit: bon, alors, par où commencer? J'ai retrouvé la voiture. Ah, bonne nouvelle ça. Et vide. Et c'était une voiture qui avait été volée. Ah, bah, tiens. La police a encore bien fait son boulot. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a rien dit. Tu te tais, toi, l'abruti. Je faisais une petite prière. Il te regarde bizarrement. Pas, je l'aime pas, moi non plus. Bon. Vous m'avez un peu expliqué en détail ce qui s'était passé. On a fouillé un peu le périmètre et on n'a pas trouvé d'indice. Il a l'air assez dépité et vous sentez qu'en fait il est totalement dépassé par les événements. Et là il vous dit: bon, vous avez peut-être vu la marque gravée sur le visage de cet homme. Clifford l'a connu, je crois, non, je sais pas. Vous l'avez vu cette femme? Enfin, vous l'avez peut-être regardé. Non. Eh bien, il sort une photographie. Il fait: bon, pour les personnes qui arrivent à tenir un peu plus le coup, vous pouvez regarder. Et là, il vous dit: cette marque, elle fait partie d'une série de meurtres. Ça fait déjà longtemps qu'on est sur le coup et. Et toujours la même chose, on a eu beaucoup de témoignages, mais c'est toujours pareil, c'est un homme, on a eu soit un homme, soit plusieurs hommes, c'est plutôt de même des nègres, et ils sont armés de prangas, les armes c'est des prangas, c'est des armes africaines, on ne sait pas exactement, tout ce qu'on a eu c'est quelques témoins qui nous disent... qu'ils ont vu un homme, enfin deux hommes, deux nègres détalés avec ces fameux prangas habillés en noir généralement ou de pourpre, ça dépend. Et à chaque fois, c'est toujours cette gravure sur le visage, aucun indice. Il y en a eu d'autres. C'est peut-être des gangs, peut-être, on ne sait pas trop. Et à chaque fois, on n'a jamais pu trouver. Il y en a eu d'autres qui sont morts. Il y en a eu plusieurs. On l'a appelé Skyface, ce tueur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain Gordon O'Neill? Un Gordon O'Neill? Non. Mais son nom. Un Gordon O'Neill, vous dites? Oui, c'est mon entraîneur. Il est porté. Enfin, disparu. Son nom me dit rien. C'est... D'accord. Il se met un. Il y a un petit silence gênant et. Et il fait non, ce nom me dit rien du tout. Donc voilà, pour l'instant l'enquête n'avance pas très très vite, c'est extrêmement désagréable. Écoutez, cette marque, c'est sûrement l'œuvre d'un rituel. Écoutez, sans plus d'informations. Moi, c'est vraiment mon rayon, vous le savez. Si vous voulez, je suis prêt à aider la police du moment que vous me fournissiez le dossier complet et que je puisse. Reprendre tout à zéro et étudier ça en profondeur. Il y a un temps de réflexion et fais-moi un jet de baratin avec un dé bonus. Baratin? Ouais, si t'as baratin. Moi j'ai persuasion, moi. Tu peux faire persuasion alors. Et pendant ce temps-là, Clifford, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que moi j'aimerais beaucoup aller à l'université d'Arkham. L'université miscatonique pour essayer d'enquêter sur cette trace là. C'est loin de notre position, ça. La marque. Ah, ouais. D'accord. C'est pas une mauvaise idée. Mais c'est loin du poste de police, d'après toi. L'université d'Arkham, il faudrait quand même. Faudrait quand même prendre la voiture, je pense, pour y aller. D'accord. Faudra regarder. Tu sais pas. On pourra partir de toute façon. Je sais pas exactement. Faudrait que tu regardes un peu. Plus précisément, où est le poste. T'as pas fait attention où était le poste où t'étais. D'accord. Alors, pour gravir le MJ, j'ai fait un pont gros 99. Oh. Attends, non, mais j'ai dit des bonus. Et là, tu relances. Tu lances un deuxième et tu gardes le meilleur. Oh man, tu me sauves la vie. Et ouais. Après, j'aurais tellement pas dû dire. Après cette discussion, on sera libre, j'imagine. Vous avez rien contre nous. Au final. 78, j'ai 10%, donc je vois pas trop ce que je peux faire de toute façon. Bon. Tu regardes, il fait c'est quand même une enquête très compliquée, c'est confidentiel, vous comprenez. Oui, mais monsieur, j'ai travaillé avec vous depuis des années. Enfin. Je travaille avec la police depuis des années. Vous savez quoi, si cette enquête vous intéresse tant que ça, vous avez qu'à enquêter de votre côté. Et venez vers moi si vous avez des indices, et ça m'intéresserait. Ok, donc moi, il faut que je partage mes infos, mais vous partagez aucune info. Si jamais vous avez des choses intéressantes et que vous arrivez à nous faire évoluer, peut-être. Je comprends pourquoi je suis parti. Et il soupire encore un grand coup... Et après cela, vous avez eu quelques interrogations. Il vous répète plusieurs fois des détails, voir si vous vous souvenez. Et après pas mal de questions, vous finissez par être relâché, être libre. Et il y a le lieutenant qui est adossé à un mur, en train de vous regarder et en train de soupirer. Et il a l'air vraiment blasé sur cette enquête. Bah ça lui apprendra pas. Vous êtes tous sortis du commissariat. Il neige toujours, il fait assez froid. Tu peux demander au policier passer un coup de fil. Tu peux pas passer de coup de fil, il faudrait que tu... D'accord. Je l'ai appelé chauffeur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une idée de où aller avec les papiers fournis? Moi je poursuivrais bien l'intuition de Clifford. Et aller pareil, la Clifford, pareil. L'asile. Faut qu'on aille à l'université. Non, c'était pas l'asile, c'était l'université. L'université miscatonique. L'asile d'Arkham n'est pas ici. Donc l'asile ou. L'université, du coup. L'université, il est quelle heure? Là, il doit être l'équivalent de minuit. Ah non, ça sert à rien là. Bah, ça se trouve, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Moi, je proposerais limite d'aller sur la. Non, à la. Ouais, quoi qu'il faut dormir, c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'on irait plutôt se reposer parce qu'on a une rue de. J'ai un appartement le lendemain. Et le lendemain. On ira à l'université. Bah dans la journée, moi j'irais bien en fait à l'adresse du paquet de d'allumettes. Ouais. Le tigre trébuchant. Ouais. Ouais, j'irais bien là-bas. C'est pas écrit plus en détail les lieux. 10 Lantern Street. 10 Lantern Street. Les 10 Lantern Street. Moi j'irais bien là-bas. Okay. Ouais, donc vous partez sur les traces d'Elias. Sur les traces d'Elias par rapport à ça. Mm. Très bien. Et après cette nuit de repos, nous nous retrouvons le mois prochain pour savoir comment et à quel endroit vont-ils retrouver les indices. Et au mois prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Un plaisir, j'adorais. Et au mois prochain. Et n'oubliez pas d'aller sur Spotify pour retrouver les podcasts et tout titan de couilles. Tout à fait. On se laisse avec Anafri, California. Bonne nuit à tous.